Seigneur, merci. Nous te rendons grâce pour cette soirée. Disons merci pour la grâce que tu nous accordes d'être en pleine aujourd'hui avec le vent et le bon climat que tu nous donnes ici à Douala. Alors que nous sommes ici à l'esplanade de la maison que tu nous as accordée. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour les frères Achille, merci pour la sœur Liliane, merci pour la sœur Elisabeth, pour la sœur Laetitia, merci pour la sœur Hélène, la sœur Grace T, celle que j'aime. Merci pour ces enfants, ô Dieu de gloire tout autour de nous. Nous soumettons entre tes mains, Père, que tu prennes le contrôle de ce moment-ci pour ta gloire et que tu nous diriges nos cœurs toujours à ton attention, Père. Seigneur, nous aurons une pensée, ô Dieu de gloire, pour tous ceux-là dans le monde entier qui souffrent d'avoir eu l'audacité, Père de gloire, de t'accepter et suivre ta voix rigide que tu disposes pour l'humanité. Que tout l'honneur te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on parlait de quoi de la nudité. Donc, nous ouvrons le chapitre 22, le verset 22 du chapitre 9 de Genèse. Je crois que c'est là que ça se trouve. Genèse, chapitre 9, verset 22. Donc, la question c'est est-ce que tous les. À chaque fois, enfin, même si c'est fait de manière innocente, quoi. Innocente. Donc, là, on va interroger ce verset. Mm-hmm. D'accord. Je vais prendre en partie le verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mit sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ici, est-ce de manière délibérée que Cham a vu? Non. Est-ce qu'il a vu pour une intention? Est-ce qu'il veut chercher quelque chose de particulier? Non. Donc ici, sur le plan humain, s'il y a quelqu'un qu'on devait blâmer ici, normalement c'est Noé. Parce qu'il a bu, parce qu'il a saoulé, il a oublié ses vêtements. Mm-hmm. Aucune réponse lui est faite. Parler des prophètes de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce son acte en train de faire? Et là, on voit effectivement que Cham a vu la nudité de son père. Il a couru, après aller dire à ses frères. La question c'est, est-ce que si on voit les actes de nudité, par exemple, tu peux avoir le cas où ton papa ou ta maman est malade à l'hôpital, et donc il va falloir laver. Laver. Et ainsi de suite. Mais, ici, la Bible déclare, verset 22 encore, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mit sur les épaules. Et ils sont venus à reculons, mais ils ont fait couvrir leur père sans le regarder. Mm-hmm. La question maintenant c'est, pourquoi, regardons la conséquence, verset 24, discipline les enfants là. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Mmh. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Tu vois la sentence? Hein? Mmh. Et je recommence encore. On dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Mmh. Donc on lui a rendu compte que Japheth, quand tu as vu, il est venu lui dire, on a marché avec lui, on t'a couvert, il s'est tourné là, il a prophétisé. La prophétie, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. La question qu'il pose, c'est est-ce que ça a marché sur ce camp? Est-ce que tu es fatigué? Non, je sais que ça Est-ce que cette prophétie-là, est-ce que ce qu'on a dit de lui, ça a marché dans la suite des temps et dans la génération des Cham? C'est-à-dire qu'est-ce que ce qu'il a dit, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, est-ce que c'est vrai? Voilà la question que je vais poser. Je comprends. C'est-à-dire que est-ce que ça s'est réalisé sur lui? Puisqu'on a commencé par situer la personne dont il est question, on dit que Cham, père de Canaan, connaît la terre de Canaan. Oui. C'est la terre de Canaan où on venait déloger les gens pour donner aux Juifs. Exactement. Puis on a dit ici au verset suivant, il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu des Sem, et que Canaan soit leur esclave. On remarque bien, on dit en haut que c'était Cham. Qui est le père, celui qui va engendrer Canaan, c'était lui qui avait vu. Mais regarde là où la malédiction part. Cham, père de Canaan vit la nudité de son père. On signifie que père de Canaan, pour montrer que ce qui va arriver à Canaan, c'est à cause de son père, de Cham. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Puis maintenant, dit, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mit sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne vit point la nudité de leur père. Donc ici, il est clair qu'on a de fait mettre l'emphase sur la nudité. Oui. Sur le fait de voir la nudité et de ne pas voir. Puis il dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, et il dit, maudit soit, regarde bien la personne qui maudit, regarde bien. Il maudit sa chambre. Non, Canaan. Maudit toi. Canaan. Qui a vu la nudité? Cham. Il maudit qui? Canaan. Canaan, c'est qui? Le fils de Cham. Donc, la descendance. Mmh. Vous voyez cela? Qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Mmh. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. On est surpris que lorsque les Juifs vont sortir de l'Égypte, on va les conduire au pays de Canaan. Continuons. Que Dieu étende les possessions déjà faites, qu'il habite dans les tentes des saints et que Canaan soit leur esclave. Ça va? Ok. Donc ici, un seul regard sur la nudité d'un parent a valu toute une génération, une descendance de malédiction. Et ça, on ne peut pas changer. Ce qu'il a dit, on ne peut pas changer parce que c'est ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé. On se comprend? Oui, oui. Ok, maintenant. Ça commence à nous poser des problèmes. Pourquoi la nudité? Maintenant, là, maintenant, on a le vrai problème, c'est que les deux, les trois personnes, plus les quatre, Noé, c'est-à-dire avec ces trois, puisqu'on s'intéresse aux trois garçons et Noé. Quand ils sortent des l'âge, il n'y a pas une loi qui dit interdit de voir la nudité de son père. Ça devient encore plus bizarre. C'est-à-dire que il n'y a nulle part, comme nous avons la Bible, vous pouvez lire quelque chose aujourd'hui. Et que vous dites qu'on vous punit quand c'est le fait qu'on a écrit ça, que tu n'as pas obéi et on veut te frapper. La question c'est, pourquoi pour ceux-ci, il regarde la nudité de son père, on le frappe de la malédiction, sa descendance. Pourtant, il n'y a pas une interdiction qu'on ne devait pas voir, n'est-ce pas? La question maintenant c'est, pourquoi l'autre, quand ils ont vu que le père était nu, on est venu dire que c'est parce qu'on a dit que le père était nu, ils savaient qu'à cette position-ci, le père c'était à cette position-ci, il est nu. Ils ont refusé de se tourner pour regarder leur père à cette direction. Il y a eu des cas où ils ont pris le manteau, les deux ont raté le manteau comme ça, rentrer, mettre sur lui, avant de se tourner, donc pour le regarder. Alors, je recommence encore, remarquons très bien qu'il n'y a nulle part, c'est écrit qu'on ne doit pas regarder. Mais comment ceux-ci, les deux si ont été vigilants au point où ils ne se sont pas tournés pour regarder la nudité de leur père? Donc la loi de Dieu, ils connaissaient ce que la loi de Dieu, les principes de Dieu. Et sont ces choses-là, ces personnages-là, ils vont nous donner cela pour qu'on puisse ériger cela en loi plus tard, Continuons dans l'on a érigé en loi, c'est où? Qu'est-ce qu'on a érigé en loi? Chapitre 18 de Lévitique. Nous allons lire à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte. Où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays, des Canaan, où vous venez Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Puis Dieu va commencer à citer. Or, ces choses-ci, en Égypte, on pratiquait. À Canaan, on pratiquait. Mais Dieu restait tranquille. Il ne leur donne pas de loi. Mais à ses enfants, à lui, il dit que ces choses-là, ne faites pas vous, ne faites pas cela. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Vous entendez cela? Chaque fois que vous allez voir ces signatures, je suis l'Éternel. Dieu veut dire qu'il tire rigueur de cette chose-là. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. On commence à voir ici dans ce verset 4, dans ce verset 7, on voit qu'on a érigé ça maintenant en loi. Pourtant, on a puni quelqu'un depuis longtemps, alors qu'il n'y a pas cette loi si écrite. Verset 8, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Les gens où ils couchent avec sa maman, ils couchent avec. Quoi que au Nigeria, dans l'état, au nord du Nigeria, il y a une histoire qui, c'est qui a défrayé la chronique là-bas. Un garçon qui a vécu avec sa maman, sa maman l'a élevé et son mari. Très récemment, c'était au tribunal au point où la maman a dit clairement, haut et fort, que je ne peux pas dépenser sur mon fils, j'attends quand il va commencer à travailler, quelqu'un vient pour profiter. Qu'est-ce qu'il y a à profiter, que les gens cherchent, vous cherchez quoi au juste? Parce qu'en fait, elle était tombée enceinte de son fils. Et donc, ils ont dit qu'il ne peut pas cacher pour longtemps. Le garçon a exprimé qu'il aime tellement sa mère qu'aucune autre femme ne lui plaît comme ça. Ils se sont mariés. Alors donc, là, on a dit que soit ils sortent de leur village. Ou... Alors voilà donc, les abominations que se commettent sur la terre. Il dit qu'il aime sa mère. C'est-à-dire que l'enfant qui va naître, on va dire que c'est qui au juste? Donc l'enfant qui va naître, tu es son père et son frère. Comment l'être humain se passe flashé? C'est-à-dire que ton enfant est ton frère. C'est-à-dire que tu as couché avec ta maman. Dans le sein où tu as sucé en sortant, en pensant même ça, c'est terrible. Alors, la Bible déclare ici, verset 8, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Remarquez très bien qu'on a fini avec ta mère en haut. Mm-hmm. Puis on dit, la femme de ton père. Parce que dans ce moment-ci, dès que l'adultère est entré dans le monde, subitement la polygamie. Subitement la polygamie. Donc ici, on voit effectivement que l'homme pouvait avoir plusieurs femmes. Parce qu'en haut, il y a la mère, le fait que l'enfant sorte d'une femme et que le père a une autre femme encore. Mm-hmm. On dit, tu n'as pas allé vers cette femme-là. Mm-hmm. Parce que ton père voit cette nudité-là. Mm-hmm. Et nous avons vu un cas dans le chapitre 40 à 49 des gens, enfin des Genèse, mm-hmm. où durant la marche, un certain Ruben va aller à la femme de son père. Mm-hmm. Et à cause de cela, la primauté du droit de naissance lui sera ôtée et donnée à Joseph. À cause de cela, à cause de cet acte-là. Ils diront, pendant que c'est pendant une valeur, comme Bilda était jeune, Joseph avait tellement, Jacob avait tellement de femmes qu'il oubliait même le nom de l'autre. Il est allé, non, Léa, Rachel, celle-ci, on donne la concubine, il dit, mais le père, s'il est fatigué, il a levé la jeune fille. Quand il est allé, la Bible déclare que son père, en une connaissance, il restait tranquille. Le jour où il va ouvrir la bouche comme ça, il a comme ça, que sa rose soit privée, il donne à une autre, parce qu'il a vu la couche de son père, il a découvert sa couche. Or, c'est le Saint-Esprit qui en est de parler ainsi. Donc, si ça dépendait de Joseph, de Jacob, il pouvait le faire comme cela. Mais quand le Saint-Esprit entre en action pour faire des bénédictions, il n'y a pas de compromis. Nous avons vu quand le cadre, lorsque Noé est sorti, ce n'est pas que Noé s'est fâché des Cam, non. Ce n'est pas que Noé s'est fâché, ce n'est pas que le fait que tu vois ma nudité, non. C'est l'Esprit de Dieu qui parle pour ériger ça en loi. Ils sont des exemples, des mauvais exemples pour nous donner des bons exemples. Ces personnes qui font des fautes sont des mauvais exemples pour nous donner des bons exemples, c'est-à-dire leur faute, c'est la mission pour nous, c'est la nouvelle pour nous corriger. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Mm-hmm. Donc on dit, tu ne dois pas découvrir la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, ni dans la maison ou ni hors de la maison. Donc, au cas où l'enfant, le père et l'enfant avaient une fille avec une autre femme, même à la maison, enfin, en souterrain, tu ne peux pas aller dehors coucher. Mais dans les maisons aujourd'hui, c'est l'inceste, c'est grave seulement dans les familles. Ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta soeur. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta soeur. Et si vous lisez le livre de Samuel chapitre 13, c'est ce qui va se passer lorsque Absalom, lorsque, vous savez moi, hein? Mm-hmm. C'est ce qui va se passer lorsque Absalom va aller voir, comment il s'appelle, le fils de David, c'est dans la famille de David là. Il va dire à Amon va dire à l'autre là, comment il s'appelle, Tamar. Ils vont dire que j'aime la soeur de ma... De Absalom, mon frère. Il va le faire jusqu'à ce qu'ils vont venir. Pourtant, c'est David qui est leur père. David est le père de Tamar, d'Amon, de Absalom. Absalom, la Bible déclare qu'il était tellement, comme Tamar était tellement belle, il mourait d'amour. Dans sa demi-sœur. Sa demi-sœur. C'est en loi. Et ça, au moins, ils avaient ça déjà écrit. Mm-hmm. Alors maintenant, la Bible déclare qu'il mourait d'amour. Il a fait le plan avec son oncle jusqu'à ce qu'ils sont. Il a dit que viens, fais le gâteau. Il a pris, il l'a violé. La Bible dit ici que tu ne découvriras pas la nudité de la soeur, enfin, de la femme de ton père, ni de ton père, c'est ta soeur. Tu ne découvriras, verset 12, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. De la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père, donc ta tante. Mm-hmm. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Car c'est la proche parente. Mais c'est quand même terrible ce qui arrive dans la vie ici. Vous voyez, c'est bien, vous voyez que ce sont des choses interdites justement que les gens aiment accomplir. Quand vous allez dans des endroits où on puisse entrer dans les loges pour pouvoir avoir des avantages que donnent ces loges-là, ce sont des interdits, c'est que le Dieu a interdit qu'on vous dit de faire pour que tu transgresses pour souiller ton âme, pour que tu sois coupable devant le Seigneur. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point, on va lire tout cela, hein? Mm-hmm. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Mm-hmm. Donc tu parles avec la mère, avec la fille. Mais vous voyez, c'est pignon sur eux aujourd'hui. Mm-hmm. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Dieu a des bonnes lois, pas vrai? Pendant sa vie. Mobutu a dit que Dieu dérange. Il n'a plus que deux sœurs jumelles. Donc là, c'est courant. Hein? C'est courant. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impurité menstruelle pour découvrir sa nudité. Vous comprenez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Vous êtes de grandes personnes. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc l'homosexualité est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc la femme a confondu l'homme au serpent aujourd'hui, l'homme au cheval, l'homme à la chèvre. Dieu dit que tu as quelque chose qui ne va pas chez vous. La Bible déclare dans Romains chapitre 1, verset 18 à 20, à 30 là, il dit qu'ayant perdu toute dissolution, tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution, joint à la cupidité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions aux infâmes. Car les femmes changent l'usage naturel de leur corps à ce qui est contre nature. De même, les hommes utilisant le corps dans un dedans le désir, c'est quand même terrible. On arrive d'accord, c'est pas fait, c'est pas terminé. Verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Écoutez, il n'a plus dit, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Ça veut dire que les gens vivraient vraiment le libertinage dans tous les cas, au sens du terme. Parce que Dieu a nommé cela. Et là, vous voyez que le fait même que Dieu donne une loi à son peuple, à lui, pour que, bonsoir, pour qu'il puisse marcher dans la sainteté, c'est déjà une grâce. Tu peux être dans le péché sans t'en rendre compte. Tu peux aller à Canaan dire aux gens que ce que vous faites là n'est pas bien. Tu vas te baser sur quoi pour lui dire que c'est pas bien. Dieu dit, ce sont tes... éteint. Ou bien. Les versets que tu viens de donner. Éteins, va éteindre. Je connais même pas les versets. Donne-moi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord éteindre, après les versets vont venir après, d'accord? Okay. Le jeu ne commence pas maintenant, pas vrai. Quelqu'un ne t'inquiète pas. Quelqu'un ne peut pas vivre comme Dieu veut si Dieu ne lui montre pas comment vivre. Ne t'inquiète pas, d'accord? C'est en train d'arrêter là-bas, même dans le ciel. Si Dieu ne te montre pas comment tu dois marcher, supposons que voici la Bible. Mm-hmm. Nous l'avons maintenant. Nous pouvons savoir que, qu'est-ce qu'il doit faire ce matin. C'est, qu'est-ce que Dieu, est-ce que ces choses que tu as voulu faire, est-ce que la parole de Dieu condamne cela? Mm-hmm. Et sur la base de l'écriture, donc maintenant je peux marcher d'après cela. S'il n'y avait pas cela, sur quelle base tu vas dire que quelqu'un ne va pas en boîte de nuit? Sur quelle base avec notre siècle d'intellectualisme comme ça là? Alors Dieu a permis que ces gens-ci vivent dans leur dissolution pour dire à ton peuple que vous ne vivez pas comme ça. Alors, les erreurs-là sont notre correction. Ces personnes-là que vous voyez dans l'Ancien Testament, qui font des fautes où Dieu réprimande, c'est pour que nous ne fassions pas cela. D'accord? Donc, ils sont le stylo de Dieu. Alors, ils disent donc que ce sont ces choses-là que partout, ces choses-là que les nations qui viennent devant vous ont commis ces choses-là. Puis, verset 25, le pays en a été souillé. je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Donc ça veut dire que chaque fois qu'un pays va des choses se commettent dans le pays, sachez que même s'il n'y a pas de catastrophe naturelle qui arrive, si Dieu ne fait pas comme ça, on a déjà vu ce que Dieu a puni ces gens-ci, sache que lui il y a danger sur ce pays. Parce que Dieu ne peut pas les punir et les laisser dans le pays qui font comme ça, étant Dieu juste. S'il a puni un pays parce que ces choses se commettent, chaque pays qui va commettre, il va faire la même punition. Puis dit verset 26, enfin, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez, et il dit comme ça, il dit par ricochet pour dire que il punit même sur ce peuple-là qui font ces choses-là. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, la nudité ici a tout un chapitre qui traite de cela, parce que la nudité a une connotation sexuelle. Alors, la première nudité que nous avons vue dans le cas où l'Amalekite est venu, ce n'était pas une nudité à problème sexuel. Le simple fait de voir, c'est un problème, de découvrir cela, c'est un problème. Ça veut dire qu'il a porté les malédictions. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on veille, c'est nous-mêmes. Quand tu as dit maintenant que si on a le cas des maladies ou là-bas, laissons le cas là, Dieu gérer ce cas-là. Mais évitons de nous laver nus devant les enfants, de nous balader nus devant les enfants. Nous maudissons nos enfants, ça nous en rend compte. On a des enfants à la maison, tu peux te laver, tu te laves. Il y a des filles qui se lavent même dans la même douche que son enfant. La Bible interdit cela. Les parents qui se lavent, ils marchent tous nus avec les enfants. Dieu interdit cela. Ce sont des malédictions. Alors vous allez voir un enfant de 5 ans, 2 ans, commencer, les papas sont dans, papa et maman sont dans des chambres privées. Vous voyez, les enfants commencent à venir guetter pour voir c'est à quoi telle fonction, même si l'enfant ne connaissait pas ces choses-là. Mais toi, tu as appris ça, oh, c'est vous qui le faites. Là. Amen. La nudité, donc, on ne doit pas accepter que notre nudité crée un pied d'achèvement, parce que, comme l'exemple nous a montré, ce sont des abominations. Si on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire, Laetitia? Si on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, si on a fait ça, et même si, étant petit, on a justement... On a vu la nudité de ses parents dans ce même sens-là. Tu entres dans la chambre de la maman en train de s'habiller. On est dans sur le coup d'une malédiction. Il faut demander pardon à Dieu tout simplement et avancer. Tu ne peux pas savoir. Et même, regarde le cas de Cham. Cham a vu son père. Il a découvert, il était dans sa tente. Il a vu saoulé. Donc, on dit que le gars est venu ouvrir la tente. Il a couru dehors, il a dit à ses enfants, à ses frères. La malédiction l'a attrapé. Celui-ci, il était déjà conscient parce qu'il était marié là. N'est-ce pas? Donc, dans le cas où c'est nos enfants qui nous ont demandé pardon pour eux. Oui, absolument. Et prendre des précautions donc, pour que ça n'arrive plus. D'accord. Oui, ça, je viens par rapport aux menstrues. Donc, tu as dit une femme. Est-ce qu'il dit quelque chose de menstrues? Moi, il crée les menstrues. J'ai dit quelque chose. Par rapport aux lois. Ok, donc là, lui, dans la loi. Oui. Il dit parce que tu as dit que les menstrues. Donc, je relis là, le verset là, et puis on voit. Tu y es, l'été, je peux lire. Verset 19. Tu n'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais par rapport à sa période masculine, est-ce que c'est. Donc, si je veux bien comprendre, c'est que l'homme ne doit pas approcher sa femme pendant ce temps-là. Oui, c'est ce qui est écrit. Au Nouveau Testament, mais oui. Le sang du Seigneur Jésus, est-ce que cette loi-là s'applique encore? Bonne question. Je recommence encore ce qu'il dit. C'est qu'on est dit ici dans le Lévitique chapitre 18, verset 19. Tu n'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. D'accord? Je recommence. Attends, je vais lire encore quelque chose plus haut. Tu vas me dire, et puis je te pose la même question que tu as posée. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Ceci, c'est valable encore aujourd'hui. Mais je pas encore, je faisais encore. Pendant que tu réfléchis, je faisais encore d'autres points, d'accord? Je commence ici. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. C'est valable encore aujourd'hui. Pourquoi? pendant que tu découvres, pendant que tu cherches, tu continues. Pose la question, c'est valable au temps du Nouveau Testament. Non, c'est ça que dit aujourd'hui. Elle comprend bien. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. C'est valable aujourd'hui. Oui. Continue. Tu ne, le verset le plus grave, c'est même ce qu'il cherchait, verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer. Elle, c'est une confusion. Uh-huh. Tu m'arrêtes ici. Si. C'est valable aujourd'hui. Sur quelle base tu dis que c'est valable aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Bon, c'est que quand nous regardons maintenant et qu'on voit les femmes couchées avec des animaux, directement on comprend que ça c'est l'abomination. Non, mais attends, je recommence encore. Sur quelle base tu comprends que c'est l'abomination? Pourquoi c'est une abomination? Qu'est-ce qu'il interdit cela dans le Nouveau Testament? Mais pas ailleurs. Attends, c'est le fait que c'est inscrit dans votre cœur ou bien c'est un problème de loi? Le fait que c'est écrit dans... Je vois d'abord ça comme une abomination parce que tu ne peux pas prendre l'animal, le coucher avec l'animal. Mais eux, ils faisaient... Pourquoi ils ne voyaient pas ça? Leur cœur était comment? Eux qui le font. Mm-hmm. Leur comment? Parce qu'il y a les femmes qui vivent de cela. Il y a toute une entreprise, des entreprises qui vivent de cela, qui produisent des CD, des supports audiovisuels qui vendent et vivent totalement de cela. Ils nourrissent les enfants, construisent des grands empires, vivent, ont des jets privés à cause de cela. Des gens qui quittent vos pays africains pour aller là-bas et couchent avec des chiens, couchent avec des serpents, produisent de l'argent, envoient de l'argent dans le pays pour construire. Qu'est-ce type de cœur ont-elles? Revenons à notre mouton. Tu dis... Est-ce que le verset 19 du chapitre 18 de Lévitique qui dit tu n'approcheras pas une femme pendant le développement de sa menstruation pour découvrir sa nudité? Tu te poses la question, est-ce que dans le Nouveau Testament, c'est valable? Je pose la question au verset 23. On dit, une femme ne s'approchera pas d'une bête. C'est une confusion pour se prostituer, elle, pour se souiller à elle. La question c'est, le verset, si on parle de la femme, si, est-ce que dans le Nouveau Testament, c'est permis qu'une femme couche avec une bête? Non. Ou est-ce que c'est dans le Nouveau Testament, c'est interdit? C'est la logique alors, ou c'est comment? Comme elle a dit, c'est la loi. Mais c'est là dans le cœur. Toi, tu es de son avis? Moi, je pense que c'est inscrit dans nos cœurs, en fait. Hein. Dans le cœur des gens du Nouveau Testament. Ou bien Dieu a écrit les lois dans le Nouveau Testament, ouvrir l'autre, mettre les réserves dans le cœur maintenant. je sens de vouloir citer que pourquoi on en a la réponse. Parce que la réponse à ces questions va toucher d'autres domaines. D'accord, c'est pour ça que je veux qu'on mûrisse. La sœur Liliane, dans le Nouveau Testament, vous êtes les femmes, pouvez-vous coucher avec le serpent? Non. Si vous êtes foiré, maintenant on vous donne le serpent, vous couchez avec le serpent, il donne 4 millions. Vous faites comment? Pourquoi? Sur quelle base? Je parle en tant que chrétien, je ne parle pas au monde, des gens du monde, je parle des chrétiennes même justement. Qu'est-ce qui vous empêche de coucher avec le serpent? Assieds-toi. Si tu veux rentrer, porte ta chaussure avant la maison. Tu veux rentrer à la maison. Dites-moi, y a-t-il un verset dans le Nouveau Testament qui vous interdit de coucher avec la bête? Une femme de coucher avec la bête? Il n'y a pas de verset, mais tout simplement. Non, peut-être le titre, c'est André, je voulais chercher dans le livre des Romains pour voir si au chapitre 1 on en a parlé. Il n'y a pas un verset, mais je voulais juste. En fait, je cherchais le verset qu'on dit. Contre nature. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont. Et même une loi. Non, 2, 1. Romains chapitre 12, verset 11 et suivant. Mm-hmm. Voilà. Donc, je dis qu'en fait, ce qu'on appelle, peut-être, je ne sais pas, éthique ou bien, ou juste éthique. C'est tout naturel. Voilà. C'est une loi, en fait, de Dieu qui est, même pour les païens. Ok, les païens qui étaient dans le pays, là, pourquoi Dieu va les chasser pour donner à Israël? C'est si les païens n'avaient pas cette loi-là. Puisque Dieu a dit dans ce verset 28, là, que c'est toutes ces choses qu'ont commis les abominations que les peuples ont commis qui a fait que le pays les a vomis. Donc, il y a certains païens qui ont la loi de Dieu. Ou bien certaines lois de Dieu qu'ils ont en eux et certains n'ont pas du tout. Puisqu'ils se livraient clairement à cela. À Sodome et à Gomorrhe, ils se livraient à des choses, des vices contre nature, bizarrement. Au point où ils n'entendaient même plus la raison, pas vrai? C'était des païens. Nous sommes d'accord. La question, la simple question que je vais poser, c'est dans le Nouveau Testament, est-ce qu'une femme chrétienne doit coucher avec des animaux? Non. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'une femme chrétienne dans le Nouveau Testament ne doit pas coucher avec des animaux? Non. Si une femme chrétienne va coucher avec les animaux, après elle dit que Jésus est son Dieu, elle a raison. Non. Comment, sur quelle base vous allez l'arrêter pour dire qu'elle n'a pas raison? Parce qu'il y a déjà la loi. La loi est dans... Quelle loi? Elle dit qu'elle ne se sent coupable de rien dans son cœur, puisque vous dites qu'il y a la loi. Ce n'est pas écrit. Que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas interdit. Nous sommes sur la grâce. Nous sommes sur la grâce. Et non sur la loi. Donc tu ne peux pas prendre la loi pour la condamner. Parce que justement, les chrétiens modernes disent que non, on est sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Donc c'est quoi cette répétition des lois là? Il veut que vous me répondez. Nous sommes là en face de la Bible ce soir. Va en haut, tu peux prendre la torche rouge. Tiens, maman, que dedans la torche qu'on allume là. J'ai envoyé une personne. Ok. Vous apportez une bouteille d'eau fraîche, hein? D'accord, à chouchou. Les gars là, ils risquent d'aller ici, rentrer pour chercher de l'eau. On avance, vous avez des réponses. Ta soeur Hélène, viens, on a dit que tout le monde a dit c'est toi qui as la réponse à la question. Tu as dormi? Est-il permis à une soeur chrétienne de coucher avec les bêtes? Hey, comment? Même si elle n'était pas soeur chrétienne. Quelle qualité ça? Mais les femmes qui couchent en Europe avec les bêtes, elles font pourquoi? Tu fais par exemple la mort avec le serpent, c'est très intéressant. Hein? Pardon, comment avec le cheval aussi? Un animal, c'est un animal. On doit faire l'amour avec un sexe opposé. Est-ce qu'on doit faire l'amour avec une espèce opposée à l'espèce humaine? Alors maintenant, la question qui pose, c'est... Doucement. La question vous mettez même de l'eau ici, pourquoi? Je voulais dormir là-bas. La question que je pose, c'est... J'ai mon matelas. Je peux pas te garer ici. Oui. Mais rentre comme ça, tu gardes l'eau là-bas, comme ça tu poses là-haut. Écoutez, C'est au salon, c'est déposé au salon là-bas en haut. Bon, la question que je pose, c'est est-ce que c'est permis, d'après la Bible ou le Nouveau Testament, dans notre sous la grâce, de coucher avec le serpent, avec les animaux d'une femme? Non. Quel verset? Non, mais c'est la logique, ça ne passe pas seulement dans la tête là. Non, mais moi je pense que si Dieu avait prévu qu'un être humain couche avec un animal, oui, il aurait fait dès la création. Pourquoi il a créé deux êtres, Adam et Ève? Mais attends. Il a créé les animaux. La question c'est que pourquoi les êtres humains le font là maintenant alors? Mais c'est la perversion, ce sont les sexes. Est-ce que c'est normal? C'est pas maintenant, hein. Depuis là, dans la Bible, on voit que c'est toujours dans la Bible, les gens couchaient avec les animaux. Mais il n'y avait pas les sectes à cette époque-là. Non, mais la question les maintenant, c'est qu'il y avait les pervers. Oh, mais maintenant, le problème, c'est que, est-ce que le Nouveau Testament a changé cela donc? C'est-à-dire que, est-ce que le Nouveau Testament a changé la vision, la façon de voir cette perversité? Mais attendez un peu, est-ce qu'il y a... On a dit ça dans la Bible, qu'il y a un homme qui a couché avec un animal. Lisons cela. Si au temps de Moïse, on écrit ceci, on dit verset 23... Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc, et il écrit ces choses, puis il dit en bas, ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc, on dit clairement que les femmes couchent avec des bêtes. Et là, nous sommes dans le désert. Quand les Juifs étaient dans le désert, à ce moment-là, on dit un réforme que le pays vous allez entrer, les femmes couchent avec le béton, les femmes couchent avec les serpents, d'autres couchent avec les lapins. C'est écrit où? C'est écrit où? Comment? Mais personne ne lit là. Ok, je reprends. Les titres, c'est quoi que ce serait bien que tu reprends? Peut-être quoi que c'est moi qui ai dit? Non, je ne lis même pas, je ne vois pas les vers. C'est gros là. Verset 23, chapitre 18. Non, laisse, on va prendre ce qui a manqué. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Voilà, je crois que c'est clair. Tu ne savais pas cela, hein? Non. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous l'eau. Le si quelque chose arrive aujourd'hui, la Bible déclare que si on vous dit que dans ce siècle, s'il y a quelque chose de nouveau, c'était dans le siècle passé. Alors ma question subsiste. Est-ce que aujourd'hui, si une femme chrétienne le fait, elle est coupable devant Dieu, oui ou non? Oui. Sur quelle base dans le Nouveau Testament? sur la base du verset qu'on vient de lire. Le problème, c'est que c'est sur la loi. Mais est-ce que Jésus a dit qu'il est venu abolir la loi? Il est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir la loi. Vous commencez à toucher dans le nez du problème. C'est le nez du problème, c'est soi qu'on va toucher. D'accord. Mm-hmm. Oui, tu voulais dire quoi? Tu veux me prendre une chaise à soi là-bas? Je voulais venir à son mariage. Là où elle était en train de dire que peut-être c'est parce que bon, Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Donc accomplir, ça dit quoi accomplir? Pour mettre en pratique. Donc lui, il est venu, c'est une femme ici qu'on a dit qu'elle ne se couche pas avec les bêtes. Jésus n'a rien à voir avec les femmes. Pour mettre des choses réelles. Réelles comment? Qu'est-ce que Jésus a fait de réel qui concerne le sexe avec le serpent, avec le sexe avec les animaux? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement là-dedans? Non, mais puisque si nous partons du fait que Jésus est venu accomplir et non abolir la loi, ça veut dire que cette loi-ci, que ma sœur vient de lire, les versets bibliques-là, dans lesquels il est clairement dit que qu'on ne doit pas faire ces choses qui se sont passées avant. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit là? Relis un peu. Tu ne coucheras point que la femme ne couchera point avec une bête pour se souiller avec elle. Voilà, donc, ça reste évident que si ça a été dit, si ce sont des instructions qui ont été données dans l'Ancien Testament, et que Jésus étant venu pour accomplir et non pour abolir ce qui a été dit. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il a accompli? C'est-à-dire, quand tu dis qu'il est venu accomplir, il est venu accomplir le fait que ce qui a été dit, qu'on ne fasse point cela, ne soit pas fait. Donc, il a accompli cela. Oui. Bon, ça veut dire par exemple, il a couché avec un animal, pourquoi on ne couche plus avec les animaux ou quoi? Hein? Ça veut dire que lui, il a couché avec les animaux, pourquoi on ne puisse plus coucher? Non. Ça veut en quoi est-ce que Jésus a accompli ce verset, pour le cas d'espèce? En quoi est-ce qu'il a accompli? Parce que la Bible est claire, il a dit je suis venu accomplir la loi et non pas pour l'abolir, n'est-ce pas? Accomplir et abolir, il faut déjà qu'on définisse ces deux termes-là. Nous y allons. Gardons à l'esprit ici. Ouvrons-nous le livre des Romains, chapitre 10. Je vais lire, on lit quelque part. On y va. C'est le lunette. Romains chapitre 10. Lis le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Encore. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais comment tu l'utilises encore comme mère? ouvrons cela, on va y revenir. La fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification. Allons dans le livre de Galates. Prenons Galates. On va aller doucement, d'accord? Galates, c'est juste devant là rapidement, je lis. Écoutez, maintenant, à partir du verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe. Vous y êtes. Chapitre 3 de Galates, verset 10 et suivant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Voici ce que j'entends. Voici ce qu'il veut dire. tout ce qu'il est en train de bavarder là. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Mm-hmm. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi est venue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de la grâce, de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moins d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui a été donné une loi qui put procurer la vie, la justice, viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Vous tous qui avez été éduqués, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous y êtes. Mm-hmm. Verset 29 conclut par, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Maintenant, nous venons de lire quelque chose. Nous avons lu dans le livre des Romains, n'est-ce pas? Mm-hmm. Nous avons lu dans le livre des Romains, chapitre 10, le verset 4, où il a dit que Christ est la fin de la loi. C'est ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ici, il nous montre clairement que quoi? D'après ce qu'on a lu ici, que la foi étant venue, nous ne sommes plus sur le pédagogue. Mm-hmm. Prenons le livre de Jacques. Jacques. The book of James. On y va. Chapitre 2 de Jacques. On y va. Maintenant, regardez. Verset 8 et suivant. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Puis dit « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. » Puis il va commencer à parler maintenant de l'autre volet de la justification par les œuvres aussi. Le problème que tu poses, parce que la question qu'elle a posée, c'est dans l'Ude, Lévitique chapitre 18, le verset 19 là-bas, il est fait mention du fait que, bonsoir madame, il est fait mention du fait que, c'est écrit là-bas que on ne s'approchera pas d'une femme pendant sa période de menstruation. Pendant son période menstruelle, elle me pose la question, est-ce que dans le Nouveau Testament, est-ce que Dieu n'a pas aboli cela? C'est-à-dire que un homme a sa femme dont le coulement de sang là-bas, ils vont ensemble. Non, mais c'est quand même terrible. Il te pose la question parce que tu n'étais pas là. Est-ce que c'est normal aussi? Qu'est-ce qu'il dit dans le Nouveau Testament? Est-ce que la Nouvelle Alliance n'a pas aboli cela? Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Non? On sait qu'il croit. Donc si tu ne crois pas, ce n'est pas accompli. Oui, mais si tu ne crois pas, mais c'est ce qu'elle a lu ici. Romain, quoi là? Attends, recommence. C'était où ma soeur? Avant que toi tu ne lises sur... Romains chapitre 10, verset 4, oui. Il dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. De quiconque croit. Mm-hmm. Donc quiconque croit. Jésus est venu mettre fin, n'est-ce pas, mmh. à la loi mmh. pour la justification de quiconque croit. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ne croient pas, il y a deux parcours. Mmh. Pour ceux qui ne croient pas, mmh. ils restent sous la loi. Oui. Pour ceux qui ont cru, Jésus est venu les justifier. Donc ils ne sont plus sous la loi. Ils ne sont plus Mais sous la loi. Mais quand on explique la terminologie, je ne suis plus sous la loi. Quand on dit je ne suis plus sous la loi, ça suppose donc que, comme c'était écrit sous la loi que tu ne coucherais pas avec une bête, est-ce que je peux le faire? Bah, c'est sous la loi qu'il dit cela. La question est bonne, pas vrai? Mais parce que, selon ma compréhension, hein, mmh. parce que avant que Jésus ne vienne mmh. racheter nos péchés, mmh. qu'il ne vienne pour nous sauver, mmh. tout cela disait dans les... Dans toutes sortes de dissolutions. Oui, oui, il ne connaissait pas Dieu, mmh. je peux le dire. Donc tout ce qu'il faisait, c'était des péchés. C'était des péchés. Maintenant, comme on a racheté, on dit donc qu'on n'est plus sous la loi. Oui. Ma question, c'est toujours au niveau de la terminologie, nous ne sommes plus sous la loi. Mais d'accord? Parce que nous avons Christ. Maintenant, quand on a Christ, est-ce à dire que les choses que la loi interdisait, on peut désormais le faire? Non. Ça veut dire que ça pose problème? Non. Là, on a un vrai problème. Parce que quand vous pointez du doigt à quelqu'un dans la loi interdit de faire telle chose. Mmh. Et Jacques nous dit clairement ici que parler et agir comme devant être jugé par une loi de liberté. Parce que la Bible déclare clairement que c'est oui, pour la liberté que Christ nous a La loi de liberté, c'est au travers de Jésus. C'est ça que je vais expliquer. Je suis en train de dire que si la loi de liberté, ça veut dire que Christ nous a affranchis oui. de la servitude du péché. Mmh. Mais si quelqu'un qui s'est dit qu'il a été affranchi de la servitude du péché vit dans ce même péché que la loi condamnait, ne serait-il pas condamné par la loi? Je vais si. Alors, donc, ça veut dire que normalement, que quand tu dis clairement que je ne suis plus sous la loi, il faut que tu sois au-dessus des interdictions de cette loi-là. C'est-à-dire que la loi ne puisse pas... Allons-y, 1 Timothée, je crois que... Il devrait nous expliquer donc ce qui dit que Christ est la fin de la loi. Justement, il arrive. Il faut mettre ça pour nous expliquer oui. que tu n'es plus sous la loi. Oui. Et que... Il faut vivre la loi de la liberté. La liberté, c'est ça. Il faut qu'on fasse ça maintenant. Tu commets ces choses-ci. Quelqu'un prend la loi pour dire que voilà ça que tu as commis. Tu dis que je suis sur la grâce et non sur la loi. Donc Christ nous a franchis. Donc il faut nous expliquer comment est la fin de la loi. Lorsqu'on lit par exemple le Lévitique chapitre 19, nous voyons comment Dieu donne l'interdiction formelle à son peuple de ne pas accomplir ces choses que les gens de ce pays ont fait. Et là, c'est une loi qu'il devait garder pour ne pas transgresser. Et on dit maintenant que Christ est la fin de la loi. Est-ce à dire qu'il a annulé tout cela? Ça, c'est une question. Est-ce à dire que désormais, comme je suis en Christ, ça ne me regarde plus? Ou mieux, dans quel sens ça ne me concerne plus? Il faut que ce soit répondu. Un Timothée. Nous allons en manger, ce soit pas vrai. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment glorieux que tu nous donnes. Donne-nous, Père, des gloires, des rectificatifs. Et donne-nous de vivre sans tache ni ride dans ces fins de siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, à tout à l'heure. N'oublie pas ton voix. Suite à la fin de la loi, pour la situation de quiconque croit. L'homme ne vivra pas de peur. À moins que oui. je ne suis pas en train de jeûner. 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Vous y êtes avec moi? Mm-hmm. À Timothée, mon enfant. Oh, mettez-vous en rang, vous passez tranquillement en train de travailler, d'accord? C'est intéressant toutes ces choses, ce qu'on est en train de voir là, pas vrai? Vous voyez comment une seule question peut susciter beaucoup de choses. Nous sommes au niveau du menstrué, on va tout, il faut qu'on tourne parce que le problème que tu as posé au niveau du menstrué, on va poser au niveau du pantalon. On va poser au niveau de ceci, au niveau de ceci. Donc, on répond globalement. Au niveau même aussi de quelque chose qui m'est venu en tête pendant que tu parles. Quelque chose, par exemple? Quand, dans Lévitique, Dieu dit... Tu ne laisseras point vivre. Vive la magicienne, oui. On va lire cela également dans le livre d'Exode là, tout à l'heure. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Lui dit maintenant, vous y êtes. Je crois qu'un verre d'eau frère, c'est fera du bien maintenant. Puis il dit, le but du commandement, on y va, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses-là qu'il vient de nommer, se sont égarés dans des vains discours. Il veut être docteur de la loi et il ne comprend ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Puis il va commencer maintenant à faire ceci. Écoutez très attentivement maintenant. C'est l'apôtre Paul qui écrit là maintenant. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. C'est là où ça devient intéressant. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs. La loi est faite pour eux. Les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjus et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. À la saine doctrine. Ça quand même, c'est assez fracassant maintenant. On dit que la loi, donc est contre tout cela. Il dit, on recommence encore verset 9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Or, dans Romains chapitre 10, verset 4, il dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Le mot grec qui est écrit par fin là-bas, c'est telos. Telos. Normalement, ça veut dire l'objectif, le but final. C'est que la loi devait atteindre, ça devait amener les gens là-bas. Donc, pour ceux qui ont là-bas, l'objectif final de la loi était de conduire les gens à Christ, comme il a dit dans Galates chapitre 3. On dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Parce qu'en réalité, les choses que la loi nous disait, même si c'était comme Jean a dit, si tu reçois tous les commandements, tu pèches contre un seul, tu deviens coupable de la transgression de tout le reste. Parce que celui qui a dit que tu ne commettras pas de l'adultère aussi dit telle ou telle chose. Je ne sais pas si tu comprends. Ici, qu'est-ce qu'il veut en dire, vous l'a dit? Il veut par là dire en réalité, l'apôtre Paul dans 1 Timothée au chapitre 1, il veut nous expliquer qu'en réalité, si vous êtes normalement en Christ, si vous avez été justifié en Christ normalement, vous ne pouvez pas être coupable des choses dont reproche la loi. C'est pas ça qu'on se comprend. Oui. Par exemple, prenons un magistrat ou bien quelqu'un de droit. Normalement, un policier ne doit pas voler. Oui. Parce qu'il connaît effectivement les dispositions de la loi. Comment est-ce que la loi dit ce que la loi dit. Il est censé connaître ces choses-là. Oui. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui doit être honnête pour ne pas transgresser la loi, c'est lui. Pas qu'il essaie de regarder la loi et dire je ne dois pas faire telle chose. Naturellement, c'est qu'il ne doit pas faire telle chose. Naturellement, il sait qu'il ne doit plus faire telle chose. Or, il est là seulement pour conduire maintenant. Lui, c'est à lui maintenant de conduire les gens. Il n'est plus fait telle chose. Mais aujourd'hui, vous voyez les chrétiens qui. Et nous avons vu ici les parricides, l'impudicité, les infâmes, les infamies, toutes les autres choses. Et on dit tout. Et ce n'est pas fini. Comme c'est beaucoup, l'apôtre Paul a dit, a résumé dans. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est un défi là. Alors. Il veut dire par là que si nous vivons dans la saine doctrine, normalement, étant justifié par la foi en Jésus-Christ, les choses si que la loi reproche, ça ne doit plus être de notre côté. Par conséquent, ce n'est pas pour nous. C'est. Si je ne vole pas, on passe en train de chercher les voleurs. Je ne dois pas paniquer parce que je ne vole pas. Ça ne me concerne pas. Mais si je suis un voleur et que je vois pour les policiers passer là-bas, même si ce n'est pas pour mon cas de vol que j'ai volé, mon cœur va commencer à battre parce que je suis un voleur. On cherche un voleur. On ne cherche pas le voleur de la voiture. On dit on cherche un voleur. Je vole, oui. Je commence à paniquer parce que peut-être il s'agit du cas de mon vol que je suis recherché quelque part, pas vrai? Vous me suivez ça? Vous me suivez? Alors donc, l'apôtre Paul dit dans ce livre de 1 Timothée chapitre 1, il dit que la loi n'est pas faite, regardez encore, sachant bien, verset 19, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Donc s'il y a une loi là-bas, s'il y a la loi comme on en lit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour le juste parce que le juste est au-dessus de cela. On se comprend. C'est ça dans Romains chapitre 2. Il va commencer à reprocher que toi qui te donne le nom des juifs, le docteur des insensés, le conducteur des aveugles, toi qui prêches de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui dis de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre de tu as une abomination nécessaire parce que tu as dans la loi, toutes ces choses, toutes ces instructions-là, et tu n'as pas les choses de la loi. mais tu dis quelque chose, tu fais la même chose. Tu prêches contre quelque chose. Or, Dieu est venu nous élever au-dessus de cela en élevant la loi de la justification en nous pour que nous soyons libérés du péché qui nous poussait à faire ces choses parce qu'on dit que la loi était à cause des transgressions. Il y avait des transgressions. Dieu condamnait cela. Il condamnait ce péché. Ce n'est pas l'être humain qui condamnait. C'est le péché que l'être humain condamnait qui est en train d'indexer que c'est mauvais. Or, Christ est venu résoudre ce problème-là en enlevant dans une chair le péché qui était dans notre chair. C'était dans ce que nous croyons en lui, nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, donc, la loi n'est pas pour nous parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien à condamner en nous, puisque Christ a été condamné. C'est ça. Alors maintenant, il y a un problème maintenant avec les chrétiens de la comprendre, avec nos chrétiens d'aujourd'hui, du fait qu'ils disent, nous sommes sous la grâce. Et là, ils ne comprennent pas justement que 1 Timothée 1, quoi, titre chapitre 1, chapitre 2, verset 11 dit qu'on a, en attendant la bienheureuse manifestation de la. Remarquez, c'est l'âne de dormir là maintenant, alors que nous sommes touchés ces choses importantes ici. Titre chapitre 2, lisons ça, si tu touches après 1 Timothée là. Il dit qu'elle dort, il dit qu'elle suit. Est-ce qu'il dit que tu ne suis pas, il dit que tu dors. On y va. Titus, chapitre 2, verset 11 and up to 13. Regardez, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tu y es fraîché? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Point. Le premier mot commence par quoi? La sœur n'a pas encore vu. Tu as vu dedans? Tu y es? Oui, car la grâce de Dieu. On a fini là jusqu'à ce qu'il y ait des points. Okay. Elle nous enseigne à renoncer. On va aller doucement au verset 12. On va aller doucement. Elle s'y est mise pour qui? La grâce de Dieu. Voilà. La grâce de Dieu. On peut remplacer elle par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc on va remplacer elle. Tu remplaces par ce que tu as dit. Mm-hmm. Et puis on lit toute la phrase. Allons-y. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Top. Vous avez vu? Donc quand quelqu'un dit que nous sommes sous la grâce, mm-hmm. il est en train de vouloir dire normalement qu'il vit sans péché. Mais les gens disent que nous sommes sous la grâce aujourd'hui en vivant justement dans le péché. Mm-hmm. Ils disent que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Comme Galate dit. Et ce même Galate là, un peu disent que ne prenez pas cette liberté-là un point un prétexte pour vivre sous le mal, pour vivre dans le péché. On ne peut pas dire que non, la liberté que Christ nous a franchie, la liberté dont Christ nous a donnée, c'est qu'on est libre à l'égard du péché. Pas on n'est pas libre des péchés. Je ne sais pas si on se comprend. Nous sommes libres du péché, pas libres des péchés. La sœur Liliane, écoute, la liberté dont Christ nous a donnée, il nous a donné la liberté du péché. Il nous a libérés du péché, pas nous libérer des péchés. Attention là, pas des. Libérer des péchés. Tu vois la différence entre libérer du péché et libérer des péchés. C'est que les gens disent aujourd'hui que nous sommes sous la grâce et qu'ils sont libres des péchés. Or, nous avons été libérés du péché. C'est-à-dire que dans le corps humain, se trouvait un mal, tel que Romains chapitre 7 nous explique. Que j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Misérable que je suis. Parce qu'il dit qu'il trouve en lui une autre loi qui lui est contraire. Mm-hmm. Je désire faire l'œuvre de Dieu. Mais quand il veut dire qu'il n'en manque plus en voyant que j'ai menti. D'accord, ça veut dire qu'il dit donc que ce n'est plus lui qui fait, c'est le péché qui habite, qui tabernacle en lui. Qui chacun en lui, c'est ce péché-là qui le pousse à faire cela. Puis il dit, misérable que je suis. Personne ne pouvait enlever ce péché-là dedans. Même si tu bois l'eau déjà, mais ça ne change pas la situation. C'est ce péché-là, on dit donc que Christ, Dieu a envoyé donc son fils dans une chair humaine semblable au nôtre, semblable au péché, pour résoudre le problème du péché dans la chair. C'est compris? Alors, comme le péché était à l'intérieur, nous étions emprisonnés avec le péché. Regarde bien. Il est venu nous libérer du péché. On était enchaînés. Il coupe la chaîne du péché de nous. Nous sommes donc libres. Donc, le péché n'a plus d'exercice sur nous. Maintenant, les gens de ce monde-ci comprennent maintenant que Christ est venu nous affranchir. C'est-à-dire qu'il dit que quand nous sommes là, c'est pour qu'on ne fasse pas une pièce. On peut vivre n'importe comment, sachant qu'on est sous la grâce. Donc ils n'ont pas compris justement l'œuvre de la grâce, ni la mission de la grâce, la mission de Jésus, ni ce qu'on appelle la justification, ni ce qu'on appelle donc la grâce de Dieu. Or, ce verset 12 nous enseigne, nous montre que la grâce de Dieu a son enseignement. Quand quelqu'un dit qu'il est sous la grâce, c'est parce qu'il est au-dessus de la loi plus par rapport à sa vie de piété. Quand quelqu'un dit que je suis sous la grâce, nous sommes sous la grâce, ça veut dire qu'il est au-dessus de la condamnation de la loi. Puisque Jacques nous a dit tout à l'heure au chapitre 2 que parler et agissant comme pouvant être jugé par une loi de liberté. si la loi de la liberté dit que Christ vous a franchi, afin que la loi de la liberté dit clairement que qu'on renonce. Donc on a le pouvoir de renoncer. Pourtant dans Romains, on dit clairement que misérable que je suis, qui va me délivrer. On dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Pas vrai? Donc Jésus-Christ nous a rafranchi. Maintenant ici on dit renonce. Donc j'ai le pouvoir de renoncer. Romains chapitre 6, verset 12 jusqu'à 14 nous dit clairement que n'obéissez pas à ces convoitises, car vous, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque nous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Maintenant les gens vivent sous la grâce, le péché domine sur eux plus que quand ils étaient dans le cadre du péché. Il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas saisi l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous a franchi du péché pour que nous vivions une vie de piété qui plaît à Dieu. On appelle donc ça la justification et la liberté. Oh, autrement dit, il nous a franchi. Alors nous admettons que, et vous ne pouvez pas dire le contraire, que la grâce nous enseigne ici à renoncer, non, aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent, dit la Bible, selon la sagesse et la justice. Donc on doit vivre une vie conséquente. Si je dis que je suis sauvé par Jésus-Christ, je suis sous la grâce, il faut qu'on voie cette vie-là manifestée en toi. Romains chapitre 6, dans le verset 11, dit que vous de même. On dit que car celui qui est mort est libéré du péché. Car il est écrit donc que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit a dit que Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Après, on dit que de même, vous aussi, regardez-vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ par qui Jésus. C'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que moi-même, non, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Mais ceux qui disent que nous sommes sous la grâce, ils peuvent aller dans la boîte de nuit. Je vais citer n'importe quoi, ils disent que nous sommes sous la grâce. Ne comprenons pas que la grâce a son enseignement. Non, c'est pour dire qu'ils se disent que le péché n'a pas le pouvoir sur eux. Non, d'autres disent même pour plus loin, comme la dame qui est venue se plaindre hier, d'autres vont même plus loin pour dire qu'il n'y a plus de péché dans le monde. Ils disent qu'il n'y a plus de péché dans le monde. Que ce qu'il y a, le péché montre. Il prend la Bible, il montre, il dit que Christ a payé nos péchés, que le péché a été lavé dans l'eau, mais pas à la croix. Et ta Bible nous dit clairement qu'il a péché il a porté nos péchés sur son corps sur son corps à la croix. Il dit que c'est dans l'eau que ça a lavé, il dit qu'il n'y a plus de péché. Donc un chrétien ne doit plus se confesser, il n'y a plus de confession à faire, il n'y a plus de repentance à faire. Vous entendez cela? Et sa Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 et 22, en disant à l'église de Laodicée que aide donc du zèle. Et répands-toi, car je répands et je châtie quiconque celui que j'aime. Si quelqu'un a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Lui, il dit qu'il n'y a pas de repentance pour les chrétiens. Donc, quand tu rends grâce, à Dieu, c'est terminé. Vous entendez des choses que les gens enseignent ici, Dieu? Parce que le Seigneur Jésus est venu, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il n'y a plus de péché dans le monde. Il a ôté le péché dans le monde. Montre là où le péché se trouve. Et ça vous guette, vous, là. Alors, voilà quelqu'un qui il dit qu'il est apôtre. Il a des suiveurs. Il dit que voici c'est la vérité qui va vous affranchir. La Bible déclare que Jésus a ôté le péché du monde. Et Jean-Baptiste a dit effectivement dans la Bible qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je pose la question, on continue à tuer. On continue à avorter. Y a-t-il la haine encore dans le monde? L'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu? C'est le péché ou c'est pas le péché? Non, il faut la délivrer à celui-ci, à son groupe, pas vrai. Mais venons à ce qui nous concerne. Donc, la question que tu as posée par rapport à ce Lévitique chapitre 18, verset 19, quant à la menstruation de la femme, on se poserait la question si dans le Nouveau Testament, quelqu'un pourra aller vers sa femme pendant la période menstruée. Et la question c'est, sous le Nouveau Testament, est-ce que c'est permis? Voici la réponse unique et claire de la Bible, qui ne concerne pas seulement le menstrué. C'est que, si vous lisez la Bible de la bonne façon, et écoutez la voix de la bonne façon de la voix du Seigneur, vous comprendrez que ce que Dieu a dit, c'est noir dès le départ, ne change pas. Ce qu'il a dit, que c'est une abomination, il ne peut plus apprécier. Je recommence encore pour que ça soit bien clair. Ce que Jésus vous l'a dit, c'est que dans la loi, il y a des choses, comme je vous ai dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, il a dit que tant que le ciel et la terre subsistera, il ne sera pas ôté un seul iota. Avant que tout ne s'accomplisse. Donc, tant que le ciel est là, tant que la terre est là-bas, on ne bougera pas de la loi. Alors, il faut savoir dans la Bible, parce qu'il y a différents types de lois dans votre Bible. Il y a des lois sacrificielles que la Bible déclare clairement que ça a été aboli. Aboli. On ne donne plus les moutons aujourd'hui. On ne tue pas l'agneau aujourd'hui pour le péché. Parce que ça s'est accompli. Quand vous dites que Christ a accompli la loi, qu'est-ce que veut dire Christ a accompli la loi. Il faut qu'on parle dans la Bible pour lire ce qu'il voulait dire par accomplir la loi. Et de quelle loi? Et de quelle loi dont il était question? Il y en a plusieurs lois. Et dans un autre enseignement, on pourra parler de ces lois. Allons dans le livre hébreu. Allons dans le livre d'Hébreu. Excuse-moi, en fait, donc ça veut dire que pour être sous la grâce, il faut vivre en fait dans la sainteté, c'est ça? C'est pas, on ne vit pas dans la sainteté pour être sous la grâce. On est automatiquement sous la grâce. Nous sommes dans la période de la grâce, qu'on le veuille ou pas. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié des choses dont tu étais condamné. D'accord? Dont tu étais condamnable. Maintenant, la vie conséquente doit s'en suivre. La vie est évidente du fait que tu as reçu cet attribut-là. C'est cela. Tu permets un peu, n'est-ce pas? Donc, regarde bien. La dispensation de la grâce est pour tout le monde. Mais l'enseignement de la grâce est pour ceux qui ont accepté le sacrifice du Seigneur Jésus. Et par contre, si tu acceptes le sacrifice du Seigneur Jésus, ce qui t'est réservé, c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine consiste à dépouiller le reste des ordures qui étaient en nous venant du monde. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu es sale. Le but d'acceptation du Seigneur, c'est pour être dépouillé. Donc, il te lave. Alors, par contre, on marche de sainteté en sainteté. C'est pourquoi la base fondamentale de la grâce, c'est la sainte doctrine. Il dit que si on ne vit pas d'après la sainte doctrine, on n'est pas sur la grâce. Parce que c'est le but de la grâce. Nettoyer et purifier afin d'être agréé par le Seigneur Jésus. Merci, frère. On va lire deux passages concernant ce que tu viens de dire avant d'avancer là où il est. Oui. Je comprends le pourquoi maintenant. Quand tu donnes, donc je prends mon exemple, il y a certaines choses qui sont parties tout naturellement que je n'ai pas fait des efforts. Voilà. Tout simplement, c'est que quand tu, comme il venait de dire tout à l'heure, quand tu donnes ta vie, quand tu acceptes le Seigneur, lui, c'est fait le travail, il nettoie, il nettoie tout simplement. Oui. Tu ne fais pas d'efforts. Il y a donc le reste de ces choses. Donc, il y a le volet que le Seigneur fait sans l'aide de quelqu'un. Sans consentement. Il y a des gens, par exemple, que quand ils croient au Seigneur Jésus-Christ, avant qu'ils ne croient, ils sont colériques. Ils se rendent plutôt compte un jour où ils se trouvent dans l'énervement. Ils se rendent compte dans une situation que dans la vie passée, ils prendraient le goudin pour te résoudre ton problème. Ils se rendent compte qu'il n'a pas réagi. Il est surpris lui-même de sa propre réaction. D'autres personnes qui, en temps normal, dans une situation, ils mentiraient pour s'en sortir. Ils se rendent compte qu'il en a dit la vérité. Ce n'est pas qu'il a prémédité pour dire la vérité. Mais il dit tout naturellement. Après, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est lui qui a de travailler comme ça. On dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre-là en vous la rendra parfaite. On dit qu'il y a une œuvre qui a commencé en nous. La rendra parfaite pour le jour de Christ. Mais maintenant, il y a d'autres choses donc, que c'est l'enseignement qui doit amener cela. Lisons cela, vérifions cela dans la Bible, d'accord? Prenons le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Oui, nous sommes à Hébreu pour voir quelle est la loi dont on a aboli pour répondre à la question. Là. Vous avez de très bonnes questions. Vous vous sentez bien, toi tu as de la foi? Voilà. Ça va, ça me réveille. Voilà. C'est déjà froid, ça me réveille, c'est bien. Bonsoir les enfants. On y va. Éphésiens chapitre 4. N'oubliez jamais cela. Il y a un volet que c'est le Seigneur qui fait, que vous admettez ou non, c'est vous, c'est lui qui le fait. Et voici un signe donc pour les chrétiens qui doutent même du Seigneur. Quand tu regardes dans le commencement de ta vie chrétienne, tu vois qu'il y a des choses les plus difficiles qui sont sorties sans aucun effort. Vous devez admettre que le Seigneur est avec vous, même si vous ne l'entendez pas. Vous devez savoir qu'il y a une œuvre qui a commencé en vous. Faites-lui seulement confiance. Dites-lui, Seigneur, parce que si par exemple vous cherchez du travail, ou bien vous cherchez de la nourriture, vous n'en voyez pas, ce sont les choses les plus petites. Parce que quelqu'un va vous donner la nourriture. Mais personne ne peut vous aider sur la terre pour enlever la colère dans votre cœur. Alors si le Seigneur a fait ce qui est plus important dans votre cœur, il savait qu'il vous amène quelque part. Comme on dit en anglais, you have a journey with him. D'accord? Chapitre 4 d'Hébreux, d'Éphésiens. Lis-nous le verset 17 jusqu'à ce qu'il te dit, stop, ma chère. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui, ici, c'est une instruction par rapport à la marche chrétienne. Si c'est l'apôtre qui écrivait ça aux chrétiens de l'époque, il va dire pourquoi il nous prescrit ça. Je suis déjà sous la grâce. On n'a pas besoin de me dire ce que je veux faire. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais la personne qui a écrit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi, en lui donnant les instructions ici. Christ leur avait dit cela dans le livre de Matthieu chapitre 28, enseignez-leur à observer. C'est le message qu'il a retenu avant de quitter. Enseignez-leur à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Donc, sous la grâce, il y a des prescriptions dans lesquelles on doit marcher. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Avançons. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mm-hmm. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc on apprend Christ à quelqu'un, on apprend Christ différemment par rapport au comportement mondain. Mm-hmm. Mm-hmm. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus... Stop. Donc, l'évangile ne consiste pas seulement en disant que Christ est venu vous sauver de la malédiction de la loi. Mm-hmm. Ça ne consiste pas seulement en cela. L'évangile ne consiste pas seulement que Christ est mort à la croix pour vous. Après que tu as entendu cela, ça, on appelle cela c'est la prédication pour amener les gens à la maison. Mm-hmm. Quand tu es justifié, il faut le processus donc, de l'enseignement donc, par rapport au dépouillement. Mm-hmm. Il faut ça. S'il n'y a pas ça, le chrétien va tourner en rond comme ça. Mm-hmm. Et malheureusement, on n'enseigne pas cela. Oh, nous sommes sous la grâce. Tout mm-hmm. est grâce. Oh, on est sous la grâce. On est sous la grâce. On n'enseigne pas comment quelqu'un doit vivre. Mm-hmm. Et lorsqu'on a tellement vécu dans cette attitude de tout est grâce, on est sous la grâce, on peut vivre n'importe comment, on est sous la liberté, on commence à entendre quelqu'un en train d'enseigner que frère, vous ne pouvez vivre comme ça. On commence à dire que ça, c'est la loi. Mm-hmm. Malgré qu'on lit cela dans les instructions des épîtres à l'église, on commence à dire que non, tu as de ramener les gens sous la loi. Autrement dit, ils veulent dire que les chrétiens n'ont pas d'interdit. De loi. Mais en réalité, la loi de la foi est appelée la loi de la liberté. Cette loi de la liberté-là veut montrer clairement que ce que nous devons faire dans la liberté que Christ nous a affranchie ne doit pas être condamnable par la loi qui nous arrêtait. Puisque on lit sur 1 Timothée que la loi n'est pas faite pour le juste, mm-hmm. mais pour les cupides, les parricides, les meurtriers, les impudiques. Moi, je vis dans l'impudicité. Je dis, je suis sur la grâce, je suis en train de me tromper. Mm-hmm. Parce que je ne peux pas vivre dans l'impudicité. Je dis que moi, c'est juste. Mm-hmm. Parce que quelle est la preuve de ma justification? Si Dieu me justifie mm-hmm. et que je suis encore en prison, en captivité là-bas, ça veut dire quoi concrètement? Ça suppose que si on a dit que son sacrifice n'est pas suffisant pour me libérer mm-hmm. de là. Mm-hmm. Maintenant, continuons ici. Il dit, si du moins, que vous avez été conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Mm-hmm. Donc, il y a une vérité en Jésus-Christ que vous avez appris à vous. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Stoppons là-bas. Il dit c'est en lui. Donc en Jésus, comme il a commencé là-bas, que je vous dis, ce qu'il vous dit, vous recommandez à le Seigneur, vous ne devrez plus. C'est un commandement. Vous ne devrez plus marcher comme marchent les païens. Donc si je vois ta marche, tu marches comme les païens, tu vas beau crier haut et fort que tu es, nous sommes sous la grâce. Tu es en train de citer le verset biblique qui dit que nous sommes sous la grâce, toi tu n'y es pas. Parce que la... Comment? Faut à la maison avec le Parce que le 1 Timothée chapitre 2, enfin, titre chapitre 2, verset 11 que nous avons lu là, mm-hmm. on a vu clairement que la source de la grâce de Dieu, source de salut mm-hmm. pour tous les hommes a été manifestée. Mm-hmm. Ça a été révélé. C'est venu vers les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'injustice, à vivre dans ce monde-ci là, mm-hmm. sans tâche, loin de la mondanité. C'est ce qu'ils sont nous enseigne. Mm-hmm. Oui. Si on prend le verset ici, donc ce qui veut dire que quelqu'un qui vit encore comme ça là, ça veut dire qu'il n'a pas Christ en lui. Il n'a pas Christ. Si je vais bien comprendre. Non, enfin, il y a une nuance. Prenons ton exemple. Oui. Il y a cela quelques mois, tu dis que tu étais chrétien. Oui. En combien de temps tu t'es laissé dépouiller? Aujourd'hui, ça fait un mois, une semaine. En ce temps-là, ce que tu as reçu maintenant, est-ce que tu l'avais reçu? Non. Mais maintenant, remarque très bien que c'est le style de nourriture que tu reçois. Oui. Maintenant, tout à l'heure, nous avons parlé d'un groupe où les gens disent qu'il n'y a plus de péché dans le monde, mm-hmm. que Christ a ôté le péché. Mais tu vois, parmi eux, les gens vivent dans l'adultère. Mm-hmm. Ils vivent dans l'adultère, dans son âme, on leur a dit qu'il n'y a pas de péché. Donc, par conséquent, ils ne considèrent pas l'adultère comme un péché. Mm-hmm. Nous étions ici, comme le garçon de témoin de Jéhovah là, mm-hmm. a dit que chez le témoin de Jéhovah, là, que c'est quoi, c'est avec vous là, nous étions, oui, celui oui, qui oui. a été l'enfer chez le témoin de Jéhovah, où il a dit qu'il souffrait de la masturbation, de la pornographie, mais il a dit aux anciens, il a dit que non, laisse comme ça, quand Christ va venir dans le renouvellement et toutes choses, il va te délivrer de cela. Non, mais c'est quand même amusant. C'est la mort, ça. Et il nous dit que ne les voit pas en veste comme ça. Ce sont les démons. Ils sont pleins. Ce sont les démons qui sont en veste. C'est son expression qu'il a utilisée. Mm-hmm. Pour dire quoi concrètement? Pour dire qu'ils sont captifs, mm-hmm. captifs dans la vérité. Mais maintenant, il faut la liberté. Il faut que, s'ils sont de Dieu, Dieu va envoyer la parole pour les délivrer de là. C'est ça que l'apôtre Paul dit ici, là, que si du moins vous avez écouté la vérité qui se trouve en Christ, il dit c'est en lui que vous avez été instruit. Une instruction. C'est la parole qui va venir pour vous donner de marcher comme Dieu veut. Vous voyez cela, dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Thessalonique chapitre 3, dans chapitre 4, il dit que si quelqu'un rejette ses préceptes, mm-hmm. il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Mm-hmm. Donc un chrétien à qui on dit que marche dans la sainteté, ce que Dieu veut, c'est dit jamais, je ne veux pas ça, à cet instant tu as quitté Dieu, même si tu ne reçois pas qu'un verset biblique. Parce que l'autorité de sa parole dit, Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. On se comprend là. Mm-hmm. Alors il y a des gens aujourd'hui qui prêchent en disant que les gens passent leur journée à longueur de journée, sainteté, on ne voit même pas la vie, on ne voit même pas la gloire de Dieu dans leur vie. Pour eux, la gloire, c'est que tu aies le matériel, que tu réussisses, tu aies la promotion, tu prospères. Si c'était comme ça, ils ne diraient même pas que le ministère de Jean-Baptiste a prospéré. Parce que quand Jésus est venu, première prédication, tous les disciples de Jean-Baptiste allaient sont allés vers Jésus. C'est pas ça. Mm-hmm. Parce que les quatre disciples sont venus dire que Jean-Baptiste. Mm-hmm. Le type que tu as montré hier comme ça là, tout le monde va à lui, hein. Mm-hmm. À ce niveau-là, ton ministère va disparaître. Il dit que vous comprenez pourquoi. Moi, je suis là, il faut que lui croise et que moi. Mm-hmm. Si c'était aujourd'hui, qu'est-ce que le pasteur dirait de lui? Quand il a perdu la vision du ministère. C'est pas ça. Mais il faut qu'on fasse attention. La gloire de Dieu n'est pas signe, l'extériorisation de notre matériel ou bien notre brain pour terrestre n'a rien à voir. Si c'est comme ça, c'est que les mondains, les magasins qui avaient des hectares, de tous ces gens, les mensonges qu'ils ont, et avec d'autres qui ont le vue humaine, voyagent en jet privé. Alors que le chrétien, pour qu'il trouve 25 pour voyager, c'est un problème. C'est qu'ils ont la gloire de Dieu plus que nous. Non. L'expression de la gloire de Dieu dans nos vies n'est pas symbolisée par le matériel, notre brain est terrestre. Non. La vie de Christ en nous, marcher la vie céleste sur la terre, c'est l'expression même de la gloire de Dieu. La merveilleuse preuve, c'est que Jean-Baptiste était en prison. Le Seigneur Jésus a appris qu'il est là-bas, il l'a laissé. Mm. C'était son serviteur. Mm. Mais il est allé faire sortir. S'occuper des autres affaires. Devant Hérode. Devant Hérode, il allait se libérer Barnabas. Barnabas, c'était un brigand. Laissez Jean-Baptiste en prison. Pour laisser Jean-Baptiste là-bas, le haut de la tête. En regardant ça, on devrait comprendre que la gloire de Dieu n'est pas c'est pas que tu vives bien. T'aimes pas que tu vives bien. Jean-Baptiste, on a dit qu'il a entendu que Jean-Baptiste était en prison, il a quitté le lieu. Il a quitté, l'a laissé là-bas. Que couper même sa tête. Même étant en prison, Jean a encore envoyé le message et le fait que je suis ici. Ici en prison. Il a dit, allez lui dire que voici ce que j'ai fait. Mm-hmm. Il n'a jamais, il n'a pas demandé. Mais le juge... Mais juste à moi, il a fait, on a libéré Barabbas, qui était un meurtrier, qui a fait créer la sédition. Vous devez voir qui est ce Dieu, ce que nous servons. D'accord? Alors, il y a une vérité en Christ. On arrive au nouveau Hébreu, chapitre 10 là. Il y a une vérité en Christ Jésus. C'est que les disciples, les apôtres sont donnés pour donner la pensée de Dieu aux gens, à ce que pour dire, ok, maintenant que vous avez reçu Christ, comme il dit dans 2 Colossiens, chapitre 2, verset 6, maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Vous avez suivi, voilà donc le mot qu'on appelle grâce. Mm-hmm. Qu'on parle que nous sommes sur la grâce. Ça veut dire que... Marchons en lui. Pas à l'extérieur. En lui. Donc c'est ça dont la grâce. Nous sommes sur la grâce, ça veut dire que Dieu a révélé sa pensée, sa volonté parfaite dans la vie de l'homme pour lui agréer. Mm-hmm. Donc si tu es comme ça, Dieu t'agrée. Si tu es hors de cela, ce que tu fais, c'est pour toi, ton père, ta famille, tes générations futures. Voilà donc la grâce. Si quelqu'un dit « je suis sur la grâce », il veut dire dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, il ne peut pas refuser la sainte doctrine. Donc, comme il dit, il est le chemin. Clair. En lui. Et la Bible nous enseigne donc ici que c'est en lui, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Dépouiller, ça veut dire que... enlever l'autre comportement. Et il a commencé pour verset 17 en disant que vous ne devez plus marcher, non? Mm-hmm. Et si, comme les païens. Donc, si je regarde ta vie, ou bien je regarde ma vie, je sens de me comporter comme les païens, et que les païens se comportent ainsi, dans tous les états. Parce qu'il a dit que soyez saints dans toute votre conduite. Donc, la sainteté touche tous les domaines de la vie, ma chère sœur. Mm-hmm. Mais c'est quand même terrible, c'est terrible, que nous avons aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer qu'il devait avoir des parfaits sur la terre. Je disais toujours que vraiment, comment on peut dire qu'il y a même quelqu'un qui est parfait. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est. Quand je lisais ça, je disais que mes seigneurs, est-ce qu'il y a un parfait? Donc tu veux qu'il s'est trompé? Le verset préféré, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Mais ce qui est étonnant, il n'a pas dit que tous pécheront. Il a dit que tous ont péché dans le passé. N'a pas dit tous pécheront. Quand la Bible dit nul impur n'y entrera. Quand la Bible dit ça dans Apocalypse chapitre 21, le dernier verset dit que nul impur n'y entrera. C'est seulement ceux qui sont saints qui entreront. On ne parle pas des anges, on parle des êtres humains qui ont marché sur la terre. Quand l'apôtre Paul écrit, il dit qu'aux saints qui sont à Colosse. Mais Jésus dit que tu es saint, on dit que tu es saint. Tu es fou, il faut mourir avant de comprendre qu'il n'y a pas de saints sur la terre. Et malheureusement, même vous le dites souvent. Mm-hmm. En commençant à le dire, moi-même je ne suis pas saint. La Bible dit que tu es saint. Dis-moi, Hébreux chapitre 10. Mm-hmm. nous jette souvent tout ça. Dis que celui qui n'a pas péché me jette la femme. Hébreux chapitre 10. Bienvenue à Douala, Laetitia. En fait, je voulais encore vous donner une note de deuxième passage, parce que vous devez lire le deuxième passage. Mais prenez le temps de lire Colossiens chapitre 3. Vous avez dit, j'ai dit ça aujourd'hui. Colossiens chapitre 3. Avant de lire, en disant ça. Normalement, il faut lire Éphésiens et Colossiens dans son entier. Dans son entier. C'est le terrible. Livre des nouveaux convertis. On avance. Bon, permettez-moi donc de lire Colossiens chapitre 3 avant qu'on lance dans ces hébreux là. Colossiens chapitre 3. Si vous voyez qu'un chrétien qui dit nous sommes sous la grâce et que vous voyez passer à longueur de journée en disant Dieu va me bénir, ma voiture, ma ceci, ou bien terrestre, sache qu'il n'est pas ressuscité avec le Seigneur Jésus. Ou bien qu'il est trompé par les doctrines de prospérité ou autre. Je crois que je suis enfant de Dieu. Je crois que je possède la terre. Je suis la terre. Je suis fils de Dieu. Je suis la lumière du monde. À longueur de journée, on met les versets comme ça pour écouter, pour il faut qu'on répète la prière. Quand tu sors, tu finis de sortir, tu regardes le dehors, les mondains ont le dehors, tu es toujours le dedans. Il y a aussi un verset là, Paul qui a dit qu'on nous tendons à la perfection. Non, on arrive là-bas, c'est Philippiens. Nous tendons à la perfection, je ne crois pas que tu parles. Ah, vraiment. Si donc, verset 3, verset 1 des chapitres 3 des Colossiens. Si donc, vous êtes ressuscité avec Sidon, si ces conditions sont réalisées pour vous, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà l'instruction à l'église. On est où là? On est dans Colossiens chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais à longueur de journée, dans les cultes aujourd'hui, vous allez entendre ce qu'on fait. 90 prédications, c'est le matériel. C'est ça. Vous rentrez. Tu veux aller à la maison. Si vous voulez aller à la maison, portez votre chaise, vous montez. Non. Allez, laisse-les, ils vont jouer. Allez, jouer. Comme ils ont dormi toute la journée, là, il ne faut pas les jouer, même jusqu'à ce que vous courez, vous tombez là-bas. Verset 3. Car vous êtes morts. On dit aux gens qui sont vivants, qui sont morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc en réalité, quand vous entendez quelqu'un sur la vie, il dit que moi j'ai, ça ne me fait pas du mal, moi je ne trouve pas du mal à cela. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Parce que quelqu'un qui est sur la grâce ne cherche plus sa volonté. Il ne cherche plus à s'y plaire. Il va chercher quelle est la volonté de Dieu. Il dit ici que, car vous êtes mort, donc ton moi c'est terminé. Donc ta propre vie est terminée. Ça a été sacrifié, comme Christ a sacrifié sa propre vie pour que nous recevions la sienne. Il dit, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Puis il dit maintenant, regardez bien, voici une instruction à l'église. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, virgule l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc vous entendez un chrétien qui parle de tant que l'argent, on dit qu'il est idolâtre, sans qu'il ne rende compte, mais il va toujours prononcer le nom de Jésus. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Après, il dit, mais maintenant, actuellement, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Oui, le même mot encore, dépouillés. Donc, on doit instruire aux chrétiens que le mensonge, c'est un peu pour toi. Non, je suis pour la liberté, Christ m'a affranchi. Tu mens. Les gens vont se retrouver en enfer comme cela, dans ce mensonge-là. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8, que mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les menteurs, et tous les menteurs, leur place sera dans l'état Adam de feu et de soufre. Sur quelle base tu vas mentir? Le monde va mentir, Dieu va le jeter à l'intérieur et toi, parce que tu as dit Jésus, tu n'entres pas. Et tu dis que tu es sous la grâce. Tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher ainsi. Parce que pour que Dieu nous frappe de ce jugement en donnant les enseignements pour nous corriger, pour nous instruire, pour qu'on ne participe pas au même jugement que eux. Dieu nous juge, la Bible nous dit que Dieu nous juge comme ça pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que s'il punit l'iniquité ici, il va d'ailleurs punir la même iniquité. Amen. Amen. Hébreux donc. Alors il y a un enseignement pour la grâce. Oui. Je m'avais vu quel enseignement où tu disais. Je parlais du péché. Oui. Tu disais que. Je m'appelle exactement. que en respect de Jésus, de balai, je sais. Vous êtes mort même pour nos péchés. Passé, présent et futur. Oui. Oh, j'aime ça. Mm-hmm. Ça t'a choqué ça? Non, pas du tout. Ça m'avait soulagé. Ça t'avait soulagé? Oui. Que ouf, de mes péchés en toute tranquillité. Vous savez comment les enseignants, tu peux vous la dire les vérités aux gens? Non, pas en toute tranquillité. Par exemple, les choses qui pesaient sur ma tête. Ça t'a déchargé? Oui, ça m'a déchargé. Explique-nous cela. Comment tu as reçu cela? Quand tu as écouté l'enseignement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les trucs par exemple avec lesquels on te condamne. Que mm-hmm. non, comme tu avais fait ça, ou bien comme tu as fait ça, ou bien comme toi. Tu es dans telle situation. Mm-hmm. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Mm. Pour arriver, pour que vraiment. Le Seigneur te fasse grâce pour qu'il te pardonne. Il faut que tu retournes, comme du cas par exemple, il faut que tu retournes dans cette situation-là. Mm-hmm. Parce que la Bible dit ça. Moi, ça m'avait plutôt ça à partir de. Donne un cas par exemple, pour qu'on voit si c'est vrai ce que la Bible enseigne. Un cas de quoi? Un cas de ce qu'on te condamne pour dire qu'il faut que tu retournes dans cette situation-là, pour qu'on voit. Pour qu'on je parlais par exemple, moi, moi, je suis une femme divorcée. Oui. Donc, et certains chrétiens me disaient que non, les versets sur le divorce dans le Nouveau Testament. Il me connaît, Corinthiens, tout ça là. Que non, si, ne regarde pas, enfin bref, que ton mari était fut croyant ou non croyant, mm-hmm. il faut que tu repartes avec lui. Mm-hmm. Voilà. Et là, tu étais coupable, tu t'es senti coupable depuis. Tellement coupable. Oui. Des fois, je n'arrivais même pas à prêcher de venir pour prier parce que je me disais que. Mais, est-ce que est-ce qu'il m'écoute même? Il va m'écouter, puisque la prière des péchés, mm-hmm. des péchés est une abomination devant lui. Mm-hmm. Et on fait que me dire que je suis là, la question, si je ne rentre pas avec mon. Mais là, dans l'enseignement où tu as parlé que j'ai dit ces choses-là, je ne l'ai pas dit une seule fois, plusieurs fois dans l'enseignement. Mais je ne parlais pas de divorce ni quoi que ce soit. Mais comment se fait-il que le Saint-Esprit ait pu prendre ça pour mettre dans ton esprit pour dire que c'est ça, que ça peut-être parce que ça c'est toujours un problème qui m'avait. Notre papa, ma vie chrétienne, mm-hmm. c'était un problème. C'est un fardeau. Oui, c'est un fardeau. Et comment ça a fait pour te quitter alors? Je ne sais pas, c'est venu comme. Comme si on perd son bagage. Qu'est-ce qui t'est dit là-bas, dans cet enseignement, pour que tu comprennes que ça s'adresse à toi et que ça sorte, ça te libère? C'était cette phrase-là. Tu as dit. Christ a payé. Écoutez bien, je dis bien, mais écoutez bien, ça risque de vous choquer ceci. Jésus-Christ a payé pour votre péché passé, présent et futur. Voilà. C'est terrible, pas vrai, comme vérité. Après, tu as même rajouté, donc il n'y a plus. Parce qu'en fait, tu avais pris, je passe un exemple, quand tu parlais de Jésus, tu avais parlé de culpabilité, mm-hmm. je sais plus exactement. Oui. Et j'étais dans ce sentiment de culpabilité. En fait. Ça t'a relâché. Grâce au rendu Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, c'est amusant. Je vais expliquer cela avant qu'on avance. Nous voici ici. Voici le Seigneur Jésus-Christ ici. Décède d'ici. D'ici à ici, c'était casse de 2000 ans. Christ a porté notre péché quand? Il y a 2000 ans. Mais c'est quand même terrible. Même en y réfléchissant, vous devez applaudir seulement pour le Seigneur. Donc, il a porté les péchés de qui? De nous, de nos péchés. Donc, il a porté ton péché ici. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il t'a. Donc, tu étais déjà vécu il y a cela 2000 ans. Avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère. Avant même que nos mères, même nos arrière-grands-mères. Oui, vous avez déjà porté les péchés. Bon. Ça veut dire qu'il a porté tes péchés depuis longtemps avant que toi-même tu ne viennes. Mm-hmm. Avant que avant que le premier péché là ne soit mentionné. Mm-hmm. Bon, dans ce cas, tu es né, tu as 30 ans. Mm-hmm. Tu as commencé à pécher peut-être à 17 ans. Mm-hmm. C'est quel péché qu'il avait porté là-bas, il y a cela 2000 ans? C'est le péché de 17 ans. Hein? Oui. C'est seulement le péché que tu avais commis quand tu avais 17 ans. Hein? Puisque tu as convenu qu'avant que tu ne naisses, oui. il avait déjà payé tes péchés. Le péché pour lequel il avait payé, alors que tu n'es même pas venu sur le monde, c'est quel? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Mm-hmm. C'est le péché qu'on péchera jusqu'à ce que. Nous amène à c'est une vérité terrible et fracassante que si vous réfléchissez, vous criez Alléluia tout simplement tous les jours. C'est très fâche. Ne sais pas. Quand tu dis Seigneur Jésus, pardonne-moi mes iniquités. La Bible enseigne que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Quand tu dis comme ça, il rentre encore mourir pour ça. Hein? Non. Comment il fait donc pour pardonner ça? Parce que le sang avait déjà été coulé. Donc ça veut dire qu'avant que tu dis pardon, il avait la prière même pour ça. Oui. Donc arrêtez, tu entres seulement dans le pardon. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Ah, Hébreux, avant que vous me fassiez dire des choses ici là-dedans. Hébreux chapitre 10. Nous sommes en train de vouloir répondre à la question maintenant de Christ est la fin, le but pour lequel, c'est qu'on a quand il dit à la croix que tout est accompli, j'ai accompli toute la loi, ainsi de suite, j'ai achevé ce qu'on m'a donné, ainsi de suite. Nous voulons voir le résumé de cela ici. J'avais dit d'Hébreu, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Vous avez moi? Mm-hmm. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc, au travers de la loi, on voit plutôt en ombre. Mm-hmm. Une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Mm-hmm. Donc, la loi, même si tu fais n'importe comment, tu ne pourrais pas être... Parfait. Je veux entendre le mot. Tu ne pourrais pas être... Parfait. Tu ne pourrais pas être... Parfait. Tu ne pouvais pas être... Parfait. Comment ça s'appelle? Parfait. Tu as sommé, toi. Non, parfait. Je recommence encore le verset-ci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Elle laisse au trait. Oh, ouais. C'est-à-dire, sous la loi, on venait chaque année pour offrir, par exemple, le sacrifice d'expiation. Mm-hmm. On dit qu'on fait chaque année, on offre ça, l'année prochaine, on offre. On dit que pendant que le souverain sacrificateur nous a amené le sang du bouc dans le lieu très saint, pour sanctifier le peuple, malgré qu'il fait ça, ça n'amène pas l'assistant à la perfection. Mm-hmm. Mon corps commence à bouillir dedans en entendant seulement ces choses, parce que ce qui va venir devant est encore plus glorieux encore. Regardez. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Donc voici la preuve que c'est pourquoi on a arrêté. Mm-hmm. Parce que ça n'amenait pas déjà à la paix, perfection. Donc, si ça amenait à la perfection, on ne pouvait pas cesser. Mm-hmm. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc l'année prochaine, quand il vient encore offrir les sacrifices, ça montre clairement que leur conscience se culpabilise qu'ils sont payés des pécheurs, n'est-ce pas? Puis on dit, car il est impossible. Je ne vais pas entendre vos voix, là, ne criez plus, les gens sont laissés reposer. Vous êtes obligés de crier. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc ça veut dire que le sang qu'on offrait n'ôtait pas le péché, ça faisait quoi? Si ça n'ôtait pas le péché, ça faisait quoi seulement? Ça couvrait. C'est pourquoi maintenant, regarde bien. On est en train d'expliquer quelque chose. Voici le pourquoi Christ est venu. Parce que, souvenez-vous de ceci. On a dit quelque part, nous avons lu aujourd'hui en prélude là-bas que la loi a été donnée à cause des transgressions. Mm. Donc le but de Dieu, c'est de résoudre ce problème du péché. Le but ultime de Dieu, c'est de résoudre le problème du péché au monde. Mm. C'est d'enlever le péché du monde. Mm. C'est ça, on se comprend. Mm-hmm. Son but, c'est de cela. Alors il ne monte pas la loi en montant les ombres de l'exact représentation de ce qu'il va faire. Éphésiens chapitre 1 verset 10 dit que ce sont des choses que Dieu avait fermées, renfermées en lui-même dans son plan parfait, le plan éternel, de le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. D'accord, de réunir toutes choses en Christ. Ici maintenant, on dit que les sacrifices comme nous font chaque année ne peuvent pas amener les assistants à la perfection. Mm-hmm. Et c'est par conséquent, chaque année quand il vient encore offrir ces sacrifices-là, ça montre le souvenir de leur péché. Mm-hmm. Vous comprenez? Puis il continue maintenant le verset en disant c'est pourquoi Christ. Maintenant il introduit Christ maintenant. On y va. Ces choses. Verset 5. Ah oui. On y est. Mm-hmm. C'est pourquoi Christ. Mm-hmm. Ah. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Mm-hmm. Dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Remarquez bien. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Pourtant, si vous allez dans la loi, vous lisez ces choses-là. Lorsqu'on finissait de brûler ces choses de parfum, l'eau qu'on a pris ici, qu'on a pris tout à l'heure, c'est en bas, il y en a encore. Non, c'est que tu peux boire ça. Donc la Bible déclare au verset 6 là, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Or, remarquez très attentivement, il a décidé comme ça là, les sacrifices qu'on donnait dans l'Ancien Testament. Et pourtant, Dieu avait donné les régulations par rapport à ce culte. Et chaque fois, si vous lisez le livre d'Exode, vous allez entendre qu'un sacrifice d'une agréable odeur devant l'Éternel. On dit que d'une agréable odeur. Chaque fois qu'on va dire que l'agiter à gauche et à droite, les offrandes des bons odeurs, les sacrifices des bons odeurs. Ici, la révélation du Nouveau Testament dit qu'en réalité, Dieu n'aimait pas ça. D'une agréable. Il présentait seulement une image de quelque chose qui devait venir. Mais pourtant, c'est lui qui avait ordonné ça. Oui, parce qu'il avait quelque chose dans le plan. Éphésiens 1 dit qu'il avait un plan de les mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Il commence à montrer en image que j'arrive quelque part. J'arrive quelque part, c'est là-bas que j'arrive. Et alors, Jésus, entrant dans le monde, il s'est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Puis il dit ici là que tu m'as formé un corps. Oh, le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 1, la Bible nous révèle que ce corps-là est un corps prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté maintenant à la fin du temps à cause de nous. Hey! Ah, vous voulez, je ne sais pas comment on va faire pour vivre dans ce texte-là. Seigneur, viens nous prendre, on rentre à la maison. Amen. Si vous pouvez lever la main comme ça, il fait POUM! On part, rentre directement. Rentre chez moi. Amen, qu'est-ce là? On continue. Alors j'ai dit, voici, je viens. Puis il dit, dans le rouleau des livres, il est question de moi. Donc quand vous lisez le livre là, c'est de lui Jésus qui vient de parler, dans ce livre de Somme là. Normalement, la parenthèse est mise. Donc je vais lire ce qui est avant la parenthèse et après la parenthèse. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous remarquez, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 6, il va expliquer clairement que je suis venu dans le monde pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est qu'il ne perde rien de ce qu'il m'a donné et que je l'ai ressuscité au dernier jour. Voilà la volonté, que va, délivre-les de ces choses-là. Si le Fils dont vous affranchissez, vous serez réellement libre. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés parce qu'il est venu résoudre le problème du péché. Jean-Baptiste a dit de lui, voilà donc la nuit finalement qui est au péché du monde. Or, les sacrifices et les holocaustes qu'on donnait n'ôtaient pas le péché. Puis ils disent donc ici là que, il dit ensuite, enfin, après avoir dit d'abord, verset 8, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Puis il dit, entre parenthèses, ce qu'on offre d'après la loi, selon la loi. Je suis en train de lire ici, parce que quand Christ dit à la croix que quand vous dites je suis venu accomplir la loi, il faut que vous sachiez de quoi il est question. Parce qu'on prend n'importe quoi, on dit je suis venu accomplir la loi. C'est pour ça qu'il pose la question par rapport à cette menstruite tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Par rapport à la femme qui couche avec les bêtes, qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Parce que c'est une loi là-bas. Ouais. Ça veut dire que le sacrifice. Quand tu dis que les. Il n'était pas dans les sacrifices, là, dans des boucs et des agneaux. Les sacrifices que les Job faisaient, tout ça, là, il n'approuvait pas ça. Pas qu'il n'approuvait pas. Ce n'était pas sa volonté parfaite. Okay. Parce qu'ici, il dit que tu n'as agréé ni ceci. En fait, que c'est pour dire que ces choses-là ne remplissaient pas les conditions de ta volonté. Donc, ça ne faisait pas, ça n'était pas agréé. D'accord. D'accord. Oh, maintenant, le problème maintenant, c'est que ceux qui plaçaient leur foi en cela ne plaçaient pas leur foi dans cette œuvre-là particulièrement. Ils accomplissaient la conscience. Ils disaient plutôt que, dans leur action, que s'ils étaient au temps de Christ, ils acceptaient le sang de Christ pour leurs péchés. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont justifiés ainsi. D'accord. Mais David, il dit ensuite, verset 9, voici, je viens pour faire ta volonté. Quand il dit, voici, je viens, ils ont dit, après avoir dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, il dit, c'est qu'on offre d'après la loi. Il dit ensuite, si tu, quand, la Bible dit que, s'il dit déjà que tu n'as pas voulu ceci, puis il dit, je viens ensuite pour faire ta volonté, ça veut dire que le fait même de dire cela, il n'a pas voulu dire sa bouche que j'annule telle chose. Automatiquement, ça annule la première chose. Alors, pour introduire la seconde, on arrive, c'est merveilleux. On avance. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ah, c'est merveilleux. Par l'offrande du corps de Jésus. Parce qu'on lui a formé un corps, pas vrai? Combien de fois? Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené. Ah, j'aime la parole. Car par une seule offrande il a amené ce jour-là à la perfection pour toujours qui ceux qui sont sanctifiés. C'est merveilleux ce qu'il en est. Parce qu'en gros, on avait dit que les sacrifices qu'on fait d'après la loi là n'amenaient pas les ascendants à la perfection. Donc Dieu, son standard, c'est la perfection. Il avait dit dans Matthieu, il dit que soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est son standard à lui là-bas. Non, tu sais, c'est que lui n'est pas fait ici-bas. Lui n'est pas fait ici-bas. Il dit que moi, il veut la perfection. Et les pasteurs, pendant ce temps, nous disent que faites l'effort d'être parfait. C'est leur problème. Faites l'effort d'être parfait. Donc, c'est... Vous n'avez pas d'effort à faire pour être parfait, parce que c'est le parfait, c'est celui qui le règle. La Bible nous renseigne ici que par une seule offrande, il va amener. C'est que quoi, Laetitia? Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Donc, il a amené à la perfection quand? Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, pour Dieu, quand Dieu les regarde sur la terre, parce qu'il a dit, Jésus a dit dans Jean chapitre 3, chapitre 6, le verset 38 à 47, il dit que, oh, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront point. Ce corps, son corps. C'est pas ce qui est écrit ici. C'est la croix. La sacrifice qu'elle a fait à la croix, il a ôté le péché. Il a soulevé à la croix, tout le monde a vu là. Il avait dit que lorsque je serai élevé, je tirerai tous les hommes vers moi. C'est merveilleux. On commence encore ce verset. Par une seule car, par une seule offrande, il a amené, j'aime ce verset, cet élément. Il a amené à la perfection pour toujours. Donc même si tu es dans le groupe là, tu refuses par suite du fait qu'on t'a enseigné que tu n'es pas parfait. Malgré que tu dis que je ne suis pas parfait, tu es quand même parfait. Et là, vous voyez, dans la Bible, c'est normal, les êtres humains sont comme ça. Vous allez voir, Gédéon, quand l'Éternel va venir s'asseoir, l'ange d'Éternel va venir s'asseoir à côté de lui, il a dû taper le froment là pour le garder, là, dans ces gens, dans ces juges, chapitre 6. Il a dit, vous, va un héros, la force, tu es fort, mon gars. Va avec cette force-là, va taper Madian. Le gars était là, il tape seulement le froment, il tape comme ça, il guette pour voir l'ennemi, il guette comme ça, il tape. Il garde le sac parce que l'ennemi va venir prendre tout à l'heure. Dieu l'informe qu'avec la force que tu as, va délivrer Israël. Il dit, qui est fort ici, Dieu? Moi, je suis qui ici dehors? Moi, mon père, c'est qui ici dehors? Tu veux lui menacer? Il y a même qui ici dehors? Moi, je suis ma personne ici dehors. Hein. Pas vrai? Hein? Mais Dieu lui donne une information que là, tu as une force pour pouvoir délivrer Israël. Mais lui, il n'était pas au courant. Il savait qu'il était fort, mais pas jusqu'à finir. Alléluia. Amen. Donc, ce que Christian avait dit, c'est que comme j'ai dehors, même si tu refuses en disant que moi, je suis moi qui ici dehors, Dieu dit que si tu es parmi le groupe des sanctifiés, c'est pas tout le monde qui l'amène à la perfection. Hey. C'est pas tout le monde qu'il a amené à la perfection. La Bible déclare ici que par une seule offrande, il a amené à la perfection. Parce que le but pour lui, c'était venir accomplir la volonté de Dieu. Il a dit que voici, je viens pour faire ta volonté. Quelle est donc cette volonté? Il veut un peuple saint pour lui. Comment faire? Il faut un corps saint pour offrir cette chair à des personnes. Dans le livre de Hébreux, chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir, encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donné. Et encore, j'ai glorifié ton nom au milieu de l'assemblée. Comment l'assemblée a pu se constituer, l'assemblée des saints, devant le Seigneur? Il dit qu'il se présente finalement avec ses enfants-là. Donc, il a accompli véritablement la volonté de Dieu. Celle d'amener à la perfection les fils. La Bible déclare, voulant élever à la perfection, voulant amener à la perfection, afin que son fils souffre cette ignominie. Donc, même si vous dites que non, je suis moi qui suis Dieu, mais je ne sais même pas qu'on, je ne connais même pas entendre la voix de Dieu. C'est pas ça pour lui. La réalité, c'est qu'il faut que tu sois compté parmi tous ceux-là. Qui sont sanctifiés. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est-à-dire la même. Ceux-là. Ceux. Donc, ceux qui sont dans ces choses-ci, il les a amenés à la perfection. Donc, si tu es compté parmi ceux-là. Si tu es du groupe-là, que tu le veux ou pas, tu es parfait. Tu vas partir sauf que. Maintenant, c'est à savoir si nous avons reçu Christ et si conformément. À la vérité qui est en lui. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais donc, je comprends que tu es sur la table dans la chambre. Sur la table dans la chambre. Dans notre chambre. C'est bon là, parce qu'il me semble bon là. Un peu y arrêter. Lisons quelque part. Je suis en train de lire. Ouvrons 2 Corinthiens. Je vous montre quelque chose. Vous allez encore lire ici. 2 Corinthiens chapitre 2. Je vais encore vous lire seulement quelque chose. Si vous voulez, je lis. Maintenant, regardez, je vais lire à partir du verset. Je crois que nous sommes dans 2 Corinthiens, là, n'est-ce pas? Regarde. Non, je crois. Je voulais dire 1 Corinthiens 2. Oh là, mon Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens. Allez dans 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 2. Regardez. Verset 2 et suivant. Et puis, je vais m'arrêter au verset dont je suis en train de parler. Parce que, quand pendant qu'on a été parlé, c'est venu sur mon cœur comme ça. Car, verset 2 du chapitre 2 de 1 Corinthiens. Car, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, écoutez très attentivement, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaits. Parmi où? Les parfaits. Parmi les parfaits. Il dit que c'est une sagesse que nous prêchons. On prêche à où? Parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Tu as avec moi la croix de ce groupe-là. Hein? Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc il dit que cette sagesse-là qu'on prêche, c'est parmi les parfaits. Comment ça? Et on dit qu'il n'y a pas de parfaits. Vous dites qu'il y a pas sur la terre, on ne prêche pas ça au ciel. Ce n'est pas le Coran pour vous dire qu'on lit les prières, même les djinns qui sont au ciel entendent. Si, nous prêchons ici, c'est parmi les parfaits. Qu'est-ce que vous en dites là, chers amis? On avance, j'arrive là maintenant. On avance. Donc on dit que Christ a accompli. On a vu clairement dans celui des Hébreux qu'il est venu pour accomplir pour un but. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réalisable sous l'Ancien Testament. Le sacrifice qu'on avait n'amenait pas les gens à la perfection. Le sacrifice qu'on donnait n'accomplissait pas la volonté parfaite de Dieu. Il dit que je suis venu pour faire ta volonté. Voici pourquoi je suis venu. Je viens, il faut que je donne ma vie en sacrifice pour que ceci arrive à réaliser ce que tu veux. Il vient dans la croix et dit que tout est accompli. Donc quand vous dites des choses, ne se dites pas parce que les gens disent, pour dire qu'il a tout accompli. Il a tout accompli quoi? Il a accompli exactement la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, je viens pour faire ta volonté. Il est venu, il a fait cela. Et quand il avait fait sa volonté là maintenant, il s'est assis dans la majesté divine. Il attend maintenant que, maintenant réaliser maintenant, je vous donne maintenant l'opportunité maintenant de vivre et glorifier Dieu. On avance. On avance là. Ainsi donc, ne faisons plus l'erreur de citer la chose de Dieu en déplaçant, en décalant pour justifier notre façon de vivre, notre bonne manière de vivre. Ça ne nous avantagera pas. Il faut qu'on suive la vie de Christ et une vie conséquente. Dieu n'a fait pas qu'on jette la première pierre sur les gens, mais Dieu veut qu'on soit la lumière du monde. Dieu veut qu'on soit la lumière, c'est-à-dire que là où les ténèbres, on dit, l'apôtre Paul dit qu'au milieu de cette génération perverse et corrompue, qu'on brille comme des flambeaux. D'une génération perverse et corrompue, adultère, qu'on brille comme des flambeaux. Il dit que le jour du Christ, donc, il pourra s'en glorifier, il ne va pas prêcher en vain. D'accord? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que cet évangile-là que je vous prêche, c'est que vous la retenez tel que vous êtes sauvés, tel que si vous la retenez tel que vous êtes, autrement vous aurez cru en vain. Donc, étant sous la grâce, ça montre que nous vivons à l'étroite ligne, dans cette ligne resserrée que Jésus-Christ a parlé. Le chemin resserré, pas le chemin de la perdition. Donc vérifions dans nos vies si les choses du monde nous condamnent. Si les choses du monde, si on marche comme les païens, on s'accorde qu'on ne devrait plus marcher. On doit marcher en Christ. Il y a un enseignement en Christ qui nous enseigne à nous dépouiller, eu égard à notre vie passée. en langage simple, quand tu es en Christ, on doit t'enseigner à ne plus vivre comme les mondains, comme tu vivais dans le monde. Les préceptes du monde sont différents des préceptes de Christ. On doit t'enseigner ça quand tu es en Christ. Si on ne t'enseigne pas, tu es mort déjà. Tu es mort. Tu n'as même jamais accepté Christ, tu ne le connais pas. Sa vie ne se trouve pas en toi. Amen. Amen. Et par conséquent, quand les gens disent que le pantalon c'est sous la loi, ces choses c'est sous la loi, c'est sous la loi qu'on a dit cela. Maintenant, je vous le dis et haut et fort, afin que vous sachiez ceci. Ce que mon père a dit abomination ne peut plus être agréé devant lui. S'il agrée ce qu'il a dit par abomination, il va agréer l'homosexualité. Il va agréer. La femme avec la bête. Parce qu'il a dit que ce sont tous ces abominations. Donc quand il a dit toutes ces abominations, il venait citer tout ce qui est en haut là-bas comme abomination. Donc un homme qui va avec une femme pendant sa période de menstruation, c'est une abomination. Donc chaque fois, c'est quoi ma chérie? C'est fort. Mais c'est pas la Bible qu'on a des voix ici. C'est ça. C'est bon, je veux quand vous me répondez, chaque fois qu'elle pose une question, vous me répondez, d'accord? Et puis on va s'amuser. Ouvrez Proverbe. Est-ce que ça t'est fatigué? Non, non. Ce n'est qu'une seule question qu'on a répondu ici, une unité qui nous a conduit jusqu'ici. Vous voyez que demain on est libre, donc on peut continuer à prêcher jusqu'à le matin. On n'a pas de pression, non? Mm-hmm. Voici là, le Seigneur Dieu nous a donné une belle soirée comme ça, en plein air, avec les avions qui passent de temps en temps. Et la lumière. Proverbe chapitre 6. Faut traiter ensemble, ce sera fort avec le bruit là. Va côté doucement. Y aller. Là, je vous pose une question. Proverbe, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Psaume, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Quand la Bible dit « Entretenez-vous par les psaumes », il parle de quel psaume? Le psaume de l'Ancien Testament. Maintenant, quand un chrétien dit, il voit dans Éphésiens chapitre 5 là, verset 18 là et 19, il dit, entendez-vous pas les psaumes, pas des cantiques spirituels. Je crois que c'est le problème que je cherche depuis là comme ça. La série n'a pas trouvé. Pourquoi on ne l'aide pas à trouver? Je veux qu'on suive bien ce qu'il veut dire. Quand quelqu'un dit, en lisant dans le Nouveau Testament, on dit, entretenez-vous pas des psaumes, pas des cantiques spirituels, chantez à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et que les psaumes se trouvent dans l'Ancien Testament. Et que quelqu'un d'autre, il finit de dire ça, lui il prend. Après, il prend sa bouche, il ouvre la bouche, il dit que nous ne sommes plus sur l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il en a de dire aux gens? Quand ce pasteur, quelqu'un vient le voir pour la prière, il dit, lis le psaume 91, le psaume 23. Psaume 51, tu pries avec. Qu'est-ce qu'il a de faire? N'es-tu pas transgresseur de ce qu'il a d'enseigner? Alors faisons attention. Faisons attention, d'accord? La foi qui est venue en Jésus-Christ ne nous donne pas le droit de transgresser la loi. La liberté donnée par Jésus-Christ ne nous donne pas le droit de vivre en libertinage sous forme de mondanité. Proverbe chapitre 6. Lisons le verset 16 à 12. On peut 16 à 19. Allons-y. Il y a six choses que est l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. Stoppons là-bas, regarde-moi. Ce verset nous dit qu'il y a six choses que Dieu est. Je vous pose une question. Vous connaissez le caractère de Dieu, certainement, certains aspects de ses caractères, n'est-ce pas? Si je dis qu'il est ceci aujourd'hui, demain peut-il aimer ça, hein? Non. Oui ou non? Non. Donc, comme on a dit ici, qu'il y a six choses que est l'Éternel, et même sept dont il en a en oreille. Donc, oreille, ça veut dire abomination. Mm-hmm. Ça veut donc dire que, même si on ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament par la suite, écrit ainsi, c'est quand même en abomination. Donc, si Dieu a haï, c'est qu'il hait toujours. Nous sommes d'accord. Allons-y, un. Les yeux hautains. Stoppons là-bas. Donc, les yeux hautains, Dieu hait cela. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on a parlé des yeux hautains encore? Non. Alors, je pose donc la question. Est-ce que, comme il a dit cela dans un livre de l'Ancien Testament, ça montre que désormais, il a changé, c'est comme on est dans le Nouveau Testament. Non. Dans le Nouveau Testament, même les yeux hautains, il parlait de ça, parce que quand il dit que celui qui est plus grand devient petit... Là, je peux te discuter en disant pourquoi il n'a pas dit les yeux hautains. Parce qu'ici, il a dit oui hautains. D'accord. Continuons. Quand il dit les yeux hautains, c'est ceux qui sont très orgueilleux, c'est ça, non? Mm-hmm. Okay, donc, au moins, voilà que le mot orgueilleux arrive, est toujours là. Mm-hmm. Non. Allons-y. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Oui. Le cœur qui médite des projets iniques. Oui. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Oui. Les faux témoins qui disent des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Oui. Et celui qui excite des querelles entre frères. Vous entendez ça, hein? On dit que voilà les septièmes. Dieu hait cela. Dieu ça en abomination. Mm-hmm. Je pose la question. Si quelqu'un commet des tâches aujourd'hui, mm-hmm. est-ce qu'il est agréable à Dieu? Non. Celui qui dirige est un. Celui qui dirige est un. Celui qui mange est un. Mangeur. Vous ne voulez pas parler, vous êtes fatigué. Celui qui mange est un. Mangeur. Celui qui boit est un. Buveur. Celui qui voyage est un. Voyageur. Celui qui dort est un. Dormeur. Celui qui enseigne est un. Enseignant. Celui qui commet les abominations est un. Abominable. Celui qui commet les abominations est un. Abominable. Vous ne pouvez parler. Abominable. Allez, je commence. Celui qui mange est un. Mangeur. Celui qui voyage est un. Voyageur. Celui qui boit est un. Buveur. Celui qui commet les abominations est un. Abominable. Apocalypse chapitre 21. Ouvrez. Apocalypse chapitre 21. Mm-hmm. Apocalypse chapitre 21. Verset 8, allons-y. Mais pour les lâches, un. Les incrédules, deux. Les abominables, stop. Les quoi? Les abominables. C'est-à-dire? Ceux qui ont l'enfer. Ceux qui font tout ce que Dieu a dit qu'il a en abomination. Ok. Vous devez savoir une chose. Lorsqu'une loi est écrite, il y a des détails de ces lois-là. Il y a les détails de cette loi. Quand vous dites par exemple l'article tel, punit le mot sexualité, il faut qu'on parte définir ce que c'est que le mot sexualité. Pour que quand quelqu'un le commande, on dit que voici l'article qui veut dire telle chose, les références. Maintenant, quand vous lisez, mais pour les lâches, il faut que vous sachiez, si vous êtes dans le camp des lâches, vous devez savoir d'après la Bible ce que la Bible appelle par lâche. Deuxième chose, les incrédules. Au moins les incrédules, vous savez ce que veut dire incrédule. Pour les incrédules, si tu ne crois pas, ne t'inquiète pas, tu dis que je ne crois pas, ne t'inquiète pas, tu es athée, ça veut dire que tu ne crois pas, ne t'inquiète pas, on a rangé ton cas. On dit leur pas sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le mot abominable. On a dit les lâches, les incrédules. Troisième cas, c'est les abominables. Donc tu peux dire que non, je crois moi Dieu, mais tu vis dans les abominations. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous préparer. En disant, est-ce que si Dieu a dit qu'il y a telle chose, il peut avoir changé cela? S'il a dit abomination, ces choses-ci, peut-il maintenant prendre ça maintenant que ça c'est saint? Alors, sachez donc ceci. Quand vous allez lire dans l'Ancien Testament, tout ce que vous allez voir que Dieu va ériger en abomination, si quelqu'un le commet, il se retrouve dans cette catégorie. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les adultères et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc maintenant? Oui, je Non, l'âge ne nous concerne pas ce soir. Je veux qu'on s'entende, pour qu'on ne s'éloigne pas de ce qu'on a de dire. On parle des abominations, parce que vous avez posé la question par rapport au menstrue. Et là-bas, dans le Lévitique, Jéphésie 18, Dieu nous a dit clairement que ce sont toutes ces abominations qu'ont commis ceux qui ont été dans le pays avant vous. Et le pays les a vomis. Il a dit quiconque, même l'indigène qui sera au milieu de vous, s'il commet ces choses, je vais le retrancher du milieu de son peuple. Si Dieu les a retranchés à cause de ces abominations, il faut que chaque personne qui va le faire dans la suite des temps, il les retranche de la même façon pour être le juste juge. Nous sommes d'accord? Alors, chaque fois que vous allez ouvrir votre Bible, vous devrez savoir qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas changer, même si ce n'est pas spécifiquement écrit dans le Nouveau Testament. Parce qu'il a déjà dit une fois pour toutes. D'accord? Alors les abominables sont ceux qui après commettent les abominations. Pour savoir ce que c'est que les abominations, pour qu'ils ne connaissent pas, la seule référence c'est la Bible. Tu vois quelque part où Dieu dit que c'est en abomination à l'Éternel, sache que si tu fais ces choses, c'est là. Comme par exemple, les yeux hautains. Tu regardes les gens du haut, tu crois que tu es arrivé, tu regardes les gens du haut. La Bible dit quand tu es en abomination à l'Éternel. Si tu peux avoir porté à quelqu'un, tu vois Laetitia là, elle a parlé contre toi, excité de quelle contre toi, tu es en abomination à l'Éternel. Tu dois aussi me dire les projets iniques. Je vais faire comme ça là. Et monter le coup comme là, il va tomber. L'homme là, comme ça, il quitte sa femme. Comme ça, il entre dans sa femme. Les projets iniques. Tu es en abomination de l'Éternel. Ta place dans l'état Adam de feu. Même si tu chantes, le feu sort. Si tu chantes, on dit que tu as la bouche mélancolique. La sentence de Dieu est claire. Donc, ça veut dire que la jurisprudence de Dieu montre clairement que tout ce qu'il a mis par abomination, il a fait l'état en sa vie. Quelqu'un ne rate pas le jour qu'il va aller en enfer. Qui ne dit pas qu'il ne savait pas pourquoi il y va aller. Et pourquoi il y est allé. Désormais, quand vous allez lire l'Ancien Testament, vous allez faire attention pour savoir ce qui s'est arrêté, ce qui ne s'est pas arrêté. En résumé, bon, vous voulez qu'on parle de cela? Je n'ai pas compris la question. Pose-lui, puisqu'elle est là-dedans. Les mains qui ressemblent le sang innocent. Je te pose une question simple. Regardez bien. Tu as déjà tué. Bon, je crois que je pourrais te poser la question directement. As-tu déjà avorté? Voilà. Là, tu as tué de façon explicite. Nous sommes d'accord. Maintenant, je pose la question. Depuis que tu n'as plus avorté, est-ce que tu as encore tué quelqu'un? Comment? Celui qui est son frère est un meurtrier. Applaudissons pour la sœur. Applaudissons, applaudissons. Où est jaloux? Applaudissons pour elle. Donc, il dit, si quelqu'un est son frère, c'est un meurtrier. Et si j'allais dans ton cœur que telle personne s'il le fait? Tu dis ça depuis? C'était depuis. Donc depuis tu étais quoi? Meurtrier. Le Nouveau Testament n'annule pas la loi, mais amplifie. Quand le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 27, 28, 29, vous avez appris qu'il a été dit au Père, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter en son cœur, il a commis déjà adultère. Jésus n'a pas annulé ce que la loi dit. La loi permettait que vous passiez à l'acte. Ici, il ne permet même pas que vous passiez à l'acte. Si tu regardes seulement, tu as commis. Donc la loi, la grâce sous la grâce, on amplifie. Parce que Dieu, avec la loi, met le standard haut. Dieu met le standard haut que les êtres humains qui étaient jadis païens, qui étaient jadis impurs, deviennent purs en vivant dans le milieu des impurs, ne pratiquant pas l'impurité. Le style de vie que Dieu veut sur la terre, on s'attend à ce que nous vivons ça ici. Chose qui était impossible sans que Christ ne vienne. Donc les meurtriers, quand quelqu'un dit dans son cœur que pour rien au monde, c'est pour telle personne si c'est fini, je mets la croix sur lui comme ça dans mon cœur. Je l'ai mis dans un endroit de mon cœur, j'ai fermé, j'ai mis le cadenas, j'ai jeté le clé au voré. Il va devoir nager en prenant le sous-marin pour chercher ce clé-là. Tu vois cela, hein? Hein, Lily? Mais c'est toi qui as posé la question, comment tu fais encore la tête comme ça? Ça va, n'est-ce pas? Je vois donc que vous êtes fatigué alors que je pensais qu'on devait passer des bons moments. Je suis fatiguée. Elle a fait, le voyage, elle a travaillé toute la journée, puis elle a fait le voyage. Elle a travaillé demi-journée. Tu as terminé demi-journée. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous quittons cette table, sinon voilà, tout le monde va commencer à aller faire ses activités, ou même 23h encore, minuit va nous trouver, sans que vous ne dormiez. Le prochain ministre. Ça veut dire que tu as le mauvais projet sur lequel. Donc, quand il parle de l'heure, tu dormais justement. Non. Pourtant, j'ai bien parlé, j'ai bien expliqué. Que par exemple, tu restes tranquille, parce que tu as pensé que faut que je prie que Dieu tue la femme là pour qu'il prenne son mari. Que... Comment tu dis? Je vais voir qui est. Si il voit un marabout là, tu peux me donner le truc, mais il charme le type s'il vient, mais il faut qu'il m'aime. C'est le bon projet, ça. Hein? Mais comment? C'est la Bible. Alors Laetitia, je crois qu'avec ce que nous avons vu ce soir, beaucoup de questionnements ont déjà été balayés. Lisons un dernier passage pour conclure sur la Deutéronome. Puisque nous avons parlé des abominations, n'est-ce pas? Chapitre 5, chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Non. Au lieu de prêcher la croix, il prêche la loi. La croix a sa loi. N'est-ce pas, frère? Amen. La croix a sa loi. Quiconque peut me suivre, s'il ne se charge de sa croix, il me suit, il ne peut être mon disciple. S'il ne meurt à lui-même, il ne peut être mon disciple. Si tu aimes ta vie ici dans le monde, tu ne peux être mon disciple. Ça, c'est la vie de la foi qui est plus difficile que la loi. Chapitre 22, verset 5, lune, verset 5, à haute voix, Laetitia. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc il a signé directement. Qu'est-ce que je fais cela? Vous allez le trouver où? En abomination, donc dans l'acte des temps. Les temps Adam de feu et de souffle. Le Tom, je veux dire que Tom, tu as compris la Bible, maintenant bien. Que tu fais ça, je tiens à l'abomination. Et les abominables sont retrouvés où? Dans les temps Adam de feu et de souffle. Dieu est esprit. Comment je peux dire qu'il s'intéresse sur les habillements? Dieu, il croit que Dieu était amour. Et tous les robes que les prophètes mettaient là, les tuniques là, c'était pas des robes. Va lui demander. Tu as vu quel prophète met tout ça? Elle veut dire avant, non? Dans le temps, au temps de Jésus. Oui. Tu as vu quel prophète met tout ça? Ou bien, tu as vu le Seigneur Jésus met tout ça? Bon, on conclut. En clair, une femme ne mettra pas les vêtements d'homme. Et une femme. Bon, quand tu peux voir comme ça, si demain matin tu me vois avec la Bible que tu as sur toi. Tu vas me dire que quoi que le frère général a déréglé, n'est-ce pas? Mais vous voyez le président de la République, si vous voyez le président de la République demain avec la perruque de Chantal Biya, vous allez dire que notre président est la sorcellerie, n'est-ce pas? Si vous voyez Chantal Biya avec le pantalon, ça ne vous dérange pas. Vous entrez là où il y a le WC, on met on dessine un être avec le pantalon, on dessine l'autre avec la jupe. La femme porte le pantalon, entre là où il y a la jupe. Mais ça ne les dérange pas non plus. C'est vrai. Que Dieu bénisse. Amen. Bonne soirée. Question. Ça, on a rendu donc. Tu ne laisseras pas vivre à ma justice. Lisons cela dans le livre d'Exode. Ça, non? C'est Exode. C'est Exode, c'est un autre. À moins que tu puisses cela dans Lévitique. Je ne sais pas. Voilà autant de choses. Je crois que ça marche souvent. Il y a des pasteurs qui disent justement par rapport à ça. Il y a beaucoup de versets. Et moi, ça non, on arrive. Ne t'inquiète pas. Ok. Et je souhaite que tu produises ces versets-là ce soir. Comme ça, on va voir les versets qui peuvent soutenir cela. Exode chapitre 22. On dit Exode chapitre 22. Lisons le verset 18. C'est exactement là où c'est écrit. On y va. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. C'est ce qui est écrit, non?